Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 115e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. C'est bon, t'as trouvé ton musique de fond ou... On va pleurer autour de VR. Et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle émission. Oui, effectivement, on a une semaine de retard. Voilà, bon, vous commencez à avoir l'habitude un petit peu, hein, que les planètes ne s'alignent pas pour l'équipe, mais en tout cas, ça fait plaisir de se retrouver. On tarde pour récolter les news. Exactement, bah, en même temps, voilà. Elles sont si nombreuses. Telles des petites noisettes, on les met de côté justement pour faire une émission à peu près fournie. Et on accueille Gantz. Salut Gantz. Salut Sei. Comment vas-tu mon petit Gantz? Oh bah écoute, très bien. Ça va bien? Bon, ça fait un petit moment, je suis pas venu mais... Bah oui, en même temps... Vous m'avez manqué. Vu qu'on fait une émission maintenant tous les 4 mois, du coup si t'en loupes une, voilà, ça va vite. Hein. Je pense que la dernière fois que je suis venu, ça devait être en 2023. Carrément. Ensuite nous avons El Rocco, salut El. Salut. Comment vas-tu El? Bon poil, écoute, hein. Après une bonne journée de taf, là je suis bien. Ouais, c'est ça. Profite. Est-ce que tu... Pas tarder à m'enfoncer dans mon siège, là. Est-ce que tu as réglé ton flou, ton problème de flou? Parce que sur la dernière émission, t'étais quand même très absolument flou. Absolument pas. Attends. Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais. Vu que j'ai du mal à tenir en place, tu vois. Non, ça va. On est pas mal. On est bien. Je vois que tu as un très... J'ai mis mon beau t-shirt. T'as un très beau t-shirt. Je suis prêt. Ouais. C'est ce que j'ai je à te dire. Je suis prêt. Pour le mois d'avril, ou de quelle année je sais pas, mais le mois d'avril, je suis prêt. Le mois de reporter à une date ultérieure, en tout cas on va revenir pour dessus. Pour le prochain mois de report, ouais. Voilà. Ouais. Petit Madison, voilà, j'ai un t-shirt de Madison de l'édition collector en plat. Oh, comme il se la pète. Bah attends, déjà en plat, j'adorais. Hein. J'adorais, et voilà, j'espère qu'ils vont faire les choses bien. Même si c'est moyennement bien parti, mais ça, on va en parler. On va y revenir. Et enfin, demandé à corps et à cri par la communauté, le retour après une très longue Marcelé. Période de dépression de Majo. Marcelé. Ça va, Majo? On m'a dit, viens, s'il te plaît. C'est mieux quand il y a Majo. Non, ça va pas, ça va pas. C'est mieux quand il y a Majo. Ça va pas pour changer. Oui, ça va. Voilà, très bien. Au moins, c'est bien, on perd pas de temps. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir. Ravi d'être là. Ouais, bah, au moins, bonsoir. Ça en fait un qui est content. Alors, du coup, on tient donc à remercier les tipeurs, comme d'habitude, hein, pour nous soutenir l'émission et soutenir le site VR4Player. VR4Player qui, on l'a déjà dit, hein, est un petit peu en jachère en ce moment, mais voilà, on essaie de trouver des formules et en tout cas une façon de mettre à jour un petit peu le site. Le grand chef n'étant pas là, il pourra pas forcément en parler, donc on va attendre son retour pour pouvoir vous donner un peu plus d'informations là-dessus. L'émission durera 2 heures de moins, pour le coup. C'est à peu près ça. Désolé pour ceux qui aiment bien les émissions longues. Ensuite, les gens qui nous remercient aussi... sur en dessous de la vidéo du podcast, qu'on remerciera jamais assez aussi en retour pour leur soutien, et puis tous ceux qui sont aussi sur le Discord, la communauté qui reste soudée, intéressante, bienveillante et qui continue de discuter avec passion de la VR. Donc on vous fait optimiste. De gros bisous et les optimistes, la team optimiste. Et le sujet du jour sur le Discord d'ailleurs, c'est l'IA. Voilà. Voilà, oui, ils sont en plein dedans là. Ouais, on est en train d'enregistrer jeudi soir et c'est vrai que là, ça basse en plein. Et puis voilà, donc émission que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur YouTube, que vous pouvez noter avec des petites étoiles. Tu te souviens comment est-ce qu'on fait, Gantz? Pas du tout. Parfait. Donc en fait, sur les applications de podcast, vous scrollez selon que ce soit Podcast Addict ou alors Apple Podcast, vous allez un petit peu en dessous et vous pouvez noter vous-même l'émission. Ça nous aide pour le référencement et puis voilà, c'est quand même important pour faire perdurer l'émission. On va commencer sans Laurent, mais avec des news quand même. En tout cas, ce qu'on a réussi à gratter un petit peu à droite à gauche. Notamment avec les mises à jour de certains jeux qui sont sortis et qui améliorent grandement l'expérience, notamment Hellsweeper, mon petit L. Alors, oui, une petite mise à jour qui a eu ensuite une autre mise à jour, parce que la mise à jour a apporté son lot de problèmes, mais elle a apporté aussi pas que du mauvais, du très bon. Et c'est surtout au niveau de la résolution, là où vraiment ça pêchait énormément sur le jeu qui a arraché complètement les rétines. Faut pas se mentir, maintenant on a une résolution cohérente avec le casque qu'on a. Donc je peux pas non plus évaluer à l'œil comme ça si on est vraiment en 4K, mais d'après le dev, on a du rendu fovéal, de la résolution, par contre en revanche au niveau texture c'est identique. Voilà, c'est pour vous faire une idée, j'ai fait un petit let's play sur la chaîne secondaire Vrac. Pour vous donner une idée, voilà, ils ont rajouté également des petites particules supplémentaires, donc il y a des petites choses sympas, comme notamment quand on tranche. Alors je ne l'avais tellement pas remarqué, enfin tellement que c'était moi, je ne l'avais pas remarqué sur la preview, mais il y a du sang qui coule. Ah, tes souhaits. Merci, excusez-moi. Il y a du sang qui coule quand on tranche, le long de la lame, quand on fait quelques petits pouvoirs, voilà, il y a des petites paillettes. Ça pétille, c'est sympathique. On arrive à lire à bonne distance. Voilà. Il y a quand même une liste qui est longue comme le bras. Sur toutes les petites choses qu'ils ont apportées. Mais bon, le jeu, comme à l'instar de l'autre qui a eu Rush of Blood 2 là. Switchback. Je me rappelle plus. Switchback. Voilà. Switchback VR. Ben en fait, on va dire la version qu'on aurait dû avoir à la sortie. C'est une tendance qui est en train de s'améliorer. Il y a des jeux qui continuent de sortir dans des versions avec une résolution un petit peu faiblarde, ce qui rend des jeux un peu flous et ce qui rend surtout l'expérience frustrante pour les joueurs. Mais il y a de plus en plus de jeux, j'ai l'impression, qui commencent à arriver avec des résolutions qui sont correctes. Correct, voire même très correctes. Bon là, on est toujours sur un jeu type autonome, en termes de texture ça change que dalle, mais par contre en termes d'expérience de jeu là c'est plus agréable. Donc on a, alors agréable oui et non, parce que depuis la mise à jour je me rappelle pas d'avoir eu ce souci là, mais j'ai énormément de mal à sélectionner les armes que je veux. Donc en fait dans ce jeu là t'as un système où quand tu appuies sur les gâchettes sur le côté, en fonction de là où tu places tes armes, tes sorts, tu fais un mouvement vers le haut, tu chopes ce que tu as mis là, donc soit un sort, les flingues, les trucs comme ça. Et ça fonctionne comme la croix directionnelle en fait. Tu lances tes bras sur l'extérieur, hop. Ouais, c'est des raccourcis, mais. Ça fait le sort, vers le bas, c'est les épées. Mais ça arrivait en faisant les deux bras vers le bas, j'avais un flingue et une épée, tu vois. Donc apparemment, il y a eu un. J'ai vu ça sur X qu'ils ont sorti un autre hotfix. Qui rectifie ce genre de choses. Donc apparemment la détection, le tracking a été amélioré. J'ai pas pu le tester, voir si c'était de la flûte, mais bon, on va leur donner le bénéfice du doute et on va supposer que ça marche. En tout cas, un jeu qui se bonifie assurément. Oui. Et du coup, pour toi, le jeu maintenant, il est jouable. Enfin, il est achetable. Il est achetable. Je le mettrai pas dans le affaire absolument, parce que là il y a quand même une flopée et il y a des jeux qui s'ajoutent sur la liste qui sont à faire en priorité, même si ça reste un jeu qui est beaucoup plus long en termes de durée de vie. Mais bon, voilà, c'est un roguelite. Les roguelites, si vous devez en acheter un, pour moi c'est Synapse. Je sais pas si j'orienterai l'achat sur Hellsweeper, mais après ça peut convenir à d'autres personnes. Si le style un petit peu Die and Retry, le côté l'ambiance un peu démoniaque, Dante, ouais, Inferno, les enfers, les enfers, avec un petit gameplay qui peut rappeler Devil May Cry, où vous sautez partout, vous faites des saltos, c'est Gerbotron en voiture, voilà. dis pas ça. Ah, mais c'est prohibé. Franchement, il y a des la VR, ça en malade. Il y a des mouvements qu'il faut faut l'anticiper. Mais sinon voilà, c'est un jeu quand même qui a un très bon gameplay. Ça tranche, voilà, mais c'est du roguelite. Donc vous allez faire souvent les mêmes niveaux, les mêmes boss, et vous allez recommencer, mourir et recommencer. Voilà, il y en a qui aiment. Revenir à ce que tu disais, Sei. Concernant les jeux qui se bonifient, machin, enfin, on rappelle qu'il est quand même sorti courant septembre. Ouais, ça fait un moment quand même, mine de rien. On est au mois d'avril. Voilà. Bah, il a pris le temps. C'est Vertigo. Ouais, hein. Enfin, si, toujours pareil, si ça avait été implémenté dès le début. Comme pour beaucoup de jeux depuis la sortie du PSVR 2. La réception aurait été meilleure. Ouais. On nous aurait un peu plus respecté, quoi, comme d'habitude. Voilà. T'as, il commence à contester là. Ouais. Ah ben, c'est parti. On nous ment. Révolte. Un autre jeu. Non mais c'est bien, mais bon, voilà, faut quand même rappeler que il a plus de 6 mois de sortie. Oui, mais on peut quand même lui donner sa chance. Et puis c'est aussi l'espoir de pouvoir le choper en promotion un peu plus facilement qu'il y a 6 mois justement. Donc. Voilà. Et ça prouve aussi encore une fois, hein, Laurent Dufaux réel. Oui. Il faut le mettre. Voilà, il faut le mettre dès le départ. Oui, bah oui, enfin, c'est une stupidité d'ailleurs de on va dire d'imposer un jeu que voilà il doit marcher avec ou sans rendu faux réel. Bah, je sais pas pourquoi tu implémentes un truc comme ça constant. Ouais. Bah oui, enfin je sais pas. C'est alors. Bah, il y était, mais ils peuvent le rajouter et c'est le plus quoi. Enfin, tu peux tourner à 60 constant et adapter le rendu faux réel par dessus. Ouais, mais surtout dans un jeu comme ça. Mais je comprends pas la logique, tu vois, en fait, voilà, d'un constructeur, t'as un hardware, je sais pas, c'est. De mettre en avant la technologie, justement, pour un gain de puissance sur le hardware et d'obliger les développeurs à virer l'option. Mais c'est complètement débile, on n'est pas sur PC, on n'est pas faire plusieurs configurations. Est-ce que c'est parce qu'il y en a un qui a un œil qui regarde par là et l'autre par là? Ils ont un regard un peu plus caméléon? Je sais pas. Effectivement, le strabisme, je crois que ça pose problème au rendu faux réel. Alors, c'est justement ce que j'avais mis comme hypothèse, mais a priori, le rendu faux réel se cale sur un œil en fait. Sur un seul, ouais. Sur un seul œil. Ah, mais tu dois quand même calibrer les deux. Oui, tu dois calibrer tes deux yeux, mais c'est pas forcément pour le rendu faux réel. Si tu fais le test. Bah si, puisque si tu calibres, c'est pour l'eye tracking et le suivi oculaire, donc ça veut dire. C'est pour l'eye tracking sur les yeux. Oui, mais le rendu faux réel fonctionne avec l'eye tracking. Et c'est aussi pour le sweet spot, pour le réglage du sweet spot surtout. Je pense qu'on est en train de rentrer beaucoup trop dans la technique pour un début d'émission. Ouais. Exactement. Et que. Ne nous perdons pas. Voilà. Ne digressons Laurent, tais-toi, s'il te plaît. Il va prendre, même s'il n'est pas là. Et ensuite, un autre jeu aussi qui s'améliore encore avec le temps, c'est After the Fall. Oui. Oui. Oui. Merci qui va en parler. Alors, Oui. On l'a... Merci. On l'avait oublié, alors on ne les fait pas dans l'ordre, c'est pour ça qu'on n'est pas prêt. Moi, c'est comme ça que j'ai noté. Hein. Il y a un ordre. Moi, je l'avais pas vu passer pour After the Fall. After the Fall, c'est tout frais, ça vient de tomber aujourd'hui. Donc le jeu n'est pas mort, bien au contraire, il est toujours aussi fun à jouer, il a toujours une petite communauté. Et puis, petite mise à jour aujourd'hui, alors petite moyenne, prénommée Nightfall, qui inclut 3 nouvelles maps en fait, du mode Horde. Donc High Rise, Entrepôt et Marché. Voilà, donc le mode Horde, pour rappel, en coop, jouable en coop jusqu'à 4 ou en solo avec des bots. Et dans une zone relativement fermée, on va dire d'une cinquantaine, soixantaine de mètres carrés, et vous subissez des assauts de toutes parts. Le but, tenir le plus longtemps. Donc 3 nouvelles maps là-dessus. Le nouvelle arme, fusil de chasse, voilà. Et ensuite une nouvelle interface, en fait une amélioration de l'interface utilisateur à l'intérieur du jeu. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est sur des bornes d'arcade en fait que ça se passe, où on interagit avec les VRSense pardon. Et puis donc une nouvelle interface plus lisible, plus claire, voilà, donc qui apporte pas mal de modifications. Donc c'était la petite mise à jour du jour, et voilà, ça nous a donné envie, du coup, en parlant, d'aller y refaire un petit tour. D'y retourner fraguer un peu. Entre 2-3 démocratisations, pourquoi pas aller exterminer un peu de zombies. Ça fait longtemps, voilà. Ça fait donc toujours c'est plaisir. Bien entendu gratuit pour ceux qui possèdent la version originale du jeu, qu'elle soit PSVR 2, autonome PCVR ou PlayStation VR. Du coup, toutes les versions sont concernées. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Puis, comme tu dis, c'est un bon moyen d'y retourner et de se refaire plaisir, parce qu'il y a eu. Des fois, on peut être même en plus passé à côté de certaines mises à jour et certaines nouvelles maps. Et donc, du coup, c'est cool. C'est un jeu qui vaut vraiment maintenant carrément le coup, quoi. Bah, surtout que maintenant. Malgré son âge. il reste quand même très très bon. Bah, le coop, hein, de toute façon, je le dis, hein, même en plein, hein, le coop. Hein, ras-le-bol des gaz. Voilà, le, juste, bon coop, faites, le bon coop avec du bon, le bon coop. Frag. Du bon frag. Et voilà. Puis terminé. Hein, voilà, il n'y a que ça à dire. Ensuite, est-ce qu'on parle de l'annonce de Metal Hellsinger VR ? Bah, oui. J'ai l'impression que je me plante complètement dans l'ordre en fait des news parce que vous avez l'air d'être. Tu veux pas finir sur l'update de Bullet ? Ah oui, update de Bullet Storm. Il reste celle-là en update. Merci Gantz, vas-y, tu peux y aller. Il n'y a pas grand chose là-dessus. Bah, je pense que c'est une mise à jour qui permet au jeu d'être un peu moins pété de partout. Ouais, alors voilà, c'est surtout ouais, ça. Bah, je pense que c'est toi qui l'avais testé ça, il a su donc. Il n'y a pas vraiment d'amélioration. Il n'y a pas vraiment d'amélioration technique en fait, visible ou d'ajout de contenu. Alors, c'est vraiment de la correction de bugs. Il y a une meilleure qualité des particules. Crash, ouais. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Une meilleure qualité des particules. Ok, bon, il y a pour notre version PSVR 2, il n'y a pas grand chose. Mais sinon, bon, voilà, ça concerne surtout. Apparemment, il doit y avoir. Je dis apparemment parce que on n'a pas le jeu. Le studio n'a pas osé. Donc voilà, il y a des bugs, il y a énormément de crash apparemment, des problèmes d'achèvement, voilà, de trophées, de musique qui se chevauchent, de bugs de script, de bugs d'IA, de choses qui devraient pas se passer, de plantage. Il y a des choses, tu meurs et puis t'avais le jeu qui continuait tout seul et puis toi tu restais sur le carreau. Ouais, quand tu raises en fait, tu passais à travers une plateforme. Bon, c'était vraiment des bugs bloquants où fallait utiliser des ruses dessus pour pouvoir avancer, qui rendait le jeu pas très jouable, quoi. Apparemment, voilà, il y a des, ils appellent ça les bloqueurs. Alors je pense justement, ça doit être bugs bloquants où voilà, sur tel niveau. Bon, bah, c'est bien qu'il le fixe. C'est pareil, hein. La date de sortie de ce jeu, voilà, ça m'a pas non plus marqué, mais je pense qu'on doit être à plus de deux mois de sortie, quoi. Il y a quelques mois. Bon, mieux vaut tard que jamais, mais bon. Est-ce que, voilà, l'image que ça renvoie, toujours pareil. Disons que c'est le patch day one du jeu, quoi. Voilà. Ce qui aurait dû être le patch day one du jeu. Bah, comme d'habitude. Voilà. Bon, voilà. C'est... Malheureusement. Mais bon, c'est bien, parce que, bon, période, voilà, on le redit, hein, période de solde, période de promo. Ça peut toujours être intéressant. Ça peut valoir le coup, enfin. Ok. Et Gantz, du coup, j'ai le droit maintenant. Metal Hellsinger. Ouais, vas-y. fais comme chez toi. Qui a été annoncé, un jeu qui a une très très bonne réputation en plat. FPS rythmique, d'après ce que j'ai compris. Et qui sort dans sa... En tout cas, qui est annoncé dans sa version VR. Qu'est-ce qu'il va en parler de ça? Moi, si vous voulez. Du coup, ouais, comme tu dis, c'est un jeu qui a un peu plus d'un an, qui est sorti en version traditionnelle, en version plate. Le but du jeu, trancher en rythme, à la base, du coup. Des ennemis un peu, alors on va dire un univers doomesque, hein, du bon démon qui tâche, comme on dit. Et puis, donc, surprise, une version VR de ce jeu... à popper un peu comme ça, sorti de nulle part. Et donc ce qu'il faut signaler, c'est que déjà le jeu de base a de très très bons retours et de très très bonnes critiques à l'origine. Le concept est plutôt intéressant, donc voilà, trancher en rythme, donc sur le beat, enfin comment on appelle ça, les basses en fait, le rythme de la musique. Et par contre, ils précisent donc qu'ils ont... on va dire, un peu repenser le principe du jeu. Donc, ils ont gardé la base, en fait, mais en l'adaptant, on va dire, à la VR. Donc, je suis assez curieux de voir comment ils ont géré la gestion du rythme avec les moves, si ça va être aussi nerveux, parce que c'est quand même un jeu qui est relativement nerveux dans sa version originale. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de plutôt sympa. Rappelons aussi que c'est un jeu qui était relativement propre. Donc, est-ce qu'on aura droit à toute la partie technique, on va dire, beau gosse, avec tout ce que ça comprend, des belles textures, une bonne résolution, voilà. Donc, ça, on est encore un peu curieux. Sur le trailer, bon, ça reste. Sur le trailer, ça, je dirais qu'on doit être au même niveau graphique. Encore sur un trailer, c'est compliqué, mais on dirait du After the Fall. Ouais, voilà. Ouais. En plus ou moins bien, mais bon, On va dire que déjà s'il sort dans un état non pété et puis non propre, non fou. Ça sera déjà une bonne chose. Ce sera déjà une non aliasé. Alors attention, voilà. Aussi une bande son quand même exclusivement métal. Donc faut aimer vraiment. D'où le nom. Voilà. Donc ouais, mais c'est bien de le rappeler avec notamment je crois qu'il y avait un DLC avec des musiques de Serge Tankian, donc c'est l'ancien chanteur de System of Down. Donc du bon, donc moi carrément hypé pour ce truc. Excellent. Franchement. Qui ça System of Down. Alors c'est de la musique. Alors c'est connu par les vieux rockers comme moi. Bah, écoute, c'est avec des guitares. Voilà, avec des instruments de musique. Alors les enfants, qu'est-ce que c'est qu'un instrument de musique? C'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude d'en entendre maintenant sur la radio. Pas beaucoup d'autotune. Pas d'autotune du tout d'ailleurs. Et voilà, et donc. Juste la voix, enfin le truc à l'ancienne. Précisons que le jeu a reçu énormément de récompenses et essentiellement pour sa bande son. Ouais. Voilà. Voire uniquement même pour sa bande son. Mais il y a quand même de très bons retours sur le jeu à la base. Donc plutôt intéressé. Il n'y a pas de date de sortie. Si, pardon, ça sort. 2024. Ouais. Sur toutes les plateformes VR. C'est Funcom. Et The Outsiders qui développe, qui sont Oslo. Donc à voir, avec plaisir. À entendre surtout. Ouais. Quelle transition de fou. Ah, ça peut être fun. Ouais, carrément. Si c'est bien fait, ça peut être fun. Ça change un petit peu justement des, enfin moi les jeux de rythme ou les jeux musicaux que ce soit en plat ou en VR, je suis pas ultra fan, mais là justement vu que t'as la partie FPS pour compenser un petit peu et qui joue un petit peu avec le gameplay de la rythmique, ça moi ça me dit bien quoi. C'est vraiment le genre de jeu justement qui apporte un espèce de mélange qui propose... c'est à la fois bourrin et technique, voilà, qui te propose pas en fait de simuler un instrument de musique qui sera pas du tout la même chose qu'en vrai, donc c'est pas un roguelike. C'est une bonne question. Mais je crois bien question. Que... parce que si c'est encore ça, mais je crois, non, bien je crois que pas, c'est... Hein. Bah bon. Tu crois que c'est décrit comme un metal rhythm shooter. Ouais. Et on voilà. Vu qu'on l'a pas essayé après, c'est, ouais, moi ça me fait vachement penser à Doom. Alors un shooter, c'est du Doom. Hein. Mm. Donc il va y avoir, je pense, des niveaux entiers avec certainement des boss et respecter la rythmique et fracasser au rythme du beat et tout. Ça donnera la récompense de faire beaucoup plus mal apparemment et puis limite d'enclencher des attaques beaucoup plus dévastatrices. Alors visuellement, j'espère que ça va bien charcler. Et puis il semble qu'il y a un scénario et qu'il est raconté par Troy Baker, celui qui fait Joel dans Last of Us. Oui, c'est Joel. C'est pas lui aussi qui joue dans Synapse, enfin qui double dans Synapse. Dans Synapse, je sais pas. Le mec de Metal Gear. Dans Synapse, c'est Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear. C'est David Hayter. Non, il a fait Revolver Ocelot, il a fait plein de persos. De toute façon, il a fait la bande son aussi avec le compositeur de Silent Hill. Il avait composé Shadow of the Dane. Nakaka, oui. T'es pas sûr de toi. Je ne sais plus. Nakaka. Akira Yamaoka. Yamaoka. J'étais pas loin. Voilà, enfin, on va pas faire tout son CV. Et il sera dans le prochain Death Stranding. C'est lui qui fait le musicien qui ressemble au Joker, là. Qui est maquillé comme une pute morte. Qui est un peu fondu. Ah oui. Un genre de David Bowie chelou. C'est ça. En tout cas, un bon gars. Ok, bon, c'est tout ce qu'on pouvait dire du coup sur Metal Hellsinger. On a aussi. Un jeu à sortir cet hiver plutôt donc. Ouais, c'est ça, pour avoir bien chaud. Pour avoir bien chaud. Mais après, c'est un shooter, donc c'est pas comme si tu y allais avec que des épées, quoi. T'auras la possibilité, mais t'auras pas que ça. Il y a du flingue. Ouais, mais à mon avis, on va faire du jus avec ça. On verra. Il y a ça. Des chances. Ensuite, on a Arcane Age aussi, qui est prévu pour le second trimestre 2024, semblerait-il, qui est aussi un joli jeu en VR qu'on attend. Oui. À quoi ça pourrait ressembler ça? C'est un jeu pareil, on shoot, où on slash avec les épées, des créatures dans un univers un peu heroic fantasy, assez bien barré, assez bien fichu, très joli visuellement. Et puis justement, c'est ce qui est mis en avant dans la news, où ils font la promotion du rendu fovéal essentiellement, où ils montrent le rendu fovéal. Désactiver et activer, ce que ça apporte. Mais on en avait pas parlé de celui-là déjà? On l'avait juste montré. Je crois que vous en avez parlé. Hein. C'était pas c'était un State of Play. Avait t- ouais, si, il si, avait ouais, été, c'est ça. Ouais, montre au State of Play. C'est ça. Ouais, il y a 4 mois, donc je pense qu'on en a parlé quand même. Ouais, vite fait, vite fait. Il y a 2 émissions, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc quoi dire de plus, ouais, à part que voilà, il y a un nouveau trailer pour ça, et que ça se. Ça a l'air quand même plutôt prometteur, plutôt sympa. Et que ça fait du bien quand même de voir des jeux qui ont de la gueule en VR et qui commencent à sortir et qui commencent à être annoncés. Il y a une pente positive, hein. Bon, pas que. Mais bon, ça, on en discutera après. Mais il se passe quoi voilà. Il se passe quoi en ce moment là en même temps, on part de tellement bas que. C'est en touchant le fond qu'on peut rebondir. Attends. Mais un truc qui se passe comme dans la crypto. C'est comme la crypto, ça peut monter, ça, tu vois, et puis voilà. Tout the moon. Et le Shiba, quoi. Il y a une espèce de tendance, un petit frémissement, j'ai l'impression, aussi dans la mise en avant du PSVR 2 par Sony en ce moment. Il y a, semblerait, d'après le Discord, surtout des gens qui l'ont acheté, qui reçoivent des mails. Ils ont fait une campagne pour l'acheter. Une campagne de pub, ouais. Oui, mais bon, mauvais ciblage, quoi. À tous ceux qui l'ont. Merci de penser à nous, mais voilà, quoi. C'est peut-être pour qu'on puisse avoir des... Continuer à y jouer. Des DualSense en plus, quoi, peut-être ça. Oh, putain. À part, ouais. Ouais. Vendu à séparément. Au cas où. Vous sentez le scalping, si jamais... Je pense pas. Pas sur le PSVR 2 plus maintenant. Pas en ce moment, en tout cas. Et aussi, des présentations dans les magasins, dans certains pays, qui ont l'air un peu plus mis en avant. Donc, ça pourrait être pas mal. Est-ce que ça augure quelque chose de bon ? On espère, en tout cas. Moi, je vois ça comme un truc positif, en tout cas. Il y a un State of Play apparemment de prévu. Depuis le début du mois. Et il y a un State of Play de prévu, ouais, tout à fait. Des jeux pas trop dégueulasses qui sortent. Qu'est-ce qui nous dit qu'on aura de la VR là-dessus ? Rien. Qu'est-ce qui nous dit qu'on aura de la bonne VR dessus ? Rien. Donc, mais bon, voilà, il y a un frémissement et donc on espère quand même que ça apportera ses l'espoir. Trucs. Princesse Leia. L'espoir. Comme diraient certains sur le Discord, restez patient et optimiste. Voilà. T'as vu, on fait des efforts. C'est ça. Il se reconnaîtra. Avec un regard genre. Avec ouais. Comme ça. Il se reconnaîtra. ça marche pas sur Majo manifestement. Non. Poker face. Poker face. Poker bluff. Ouais. Tu bluffes, Martin. Ensuite, on a les sorties d'avril. Et ça, le maître des sorties d'avril et des bonnes grosses vidéos récapitulatives, c'est El Rocco. Le maître, hein, mais j'ai pu me planter, hein, donc ne me jetez pas de cailloux. Ne t'inquiète pas, mais... on aura toujours quelqu'un pour pointer le doigt là-dessus si tu te plantes. Bien sûr, bien sûr. J'ai compris. Confiance. Donc, bon, il y a de la sortie physique, il y a de la sortie numérique. En physique, Madison VR. Ah, oh, dis donc. Bon voilà, lui prévu toujours prévu le 19 avril. Ça date. Mais ça rapproche. Oui. Ça rapproche, mais bon, comme on en discutait un petit peu, voilà que on risque d'avoir la version. Ok, on l'aura peut-être, mais la version sera peut-être toute pétée et puis on aura le patch peut-être plus tard. J'y reviendrai sur la preview. Donc voilà, et puis on a Mixture donc qui rappelle un petit peu le j'allais dire pas le Astrobot mais un peu qui est du style Moss voilà qui a l'air fort sympathique. Il est sympathique. Il est très sympathique. Voilà. Pas exceptionnel. Pas à l'égal de Moss, non. Mais voilà, très sympathique, il sort le 12 et puis le voilà la grosse surprise, le Happy Fun Land le 26 avril. Ah bon ? Donc voilà. On y reviendra aussi. Sinon, alors me demandez pas les dates précises, mais parce que je ne m'en souviens pas. Le Soul Covenant, Soul Covenanto, donc le visual novel, voilà, un peu hack and slash dans des arènes. Très, très barré, très psychédélique, va arriver pareil. Alors lui, je crois que c'est justement le 17-18 voilà. Avril. Le Big Shot, qui est un peu le genre de wave shooter où on est à l'intérieur d'un mecha, voilà, où on pourra améliorer son mecha, améliorer ses armes, qui se joue en coop, ah, bien. D'ailleurs. Donc à voir, mais bon, qui a une gueule assez autonome, mais voir un peu si pareil, même si c'est assez autonome, cette shading question. S'ils vont nous respecter, on verra bien. Et puis Sky Clams, voilà, ça sort. Et j'ai rien à rajouter. J'ai rien à ajouter sur Sky Clams. Voilà. Ça plaira à ceux. Bah, ça plaira à ceux qui aiment bien faire du ping-pong dans des parkings, jouer avec des ressorts, des trucs comme ça. Bref, ça plaira à quelqu'un. Bon. Ça trouvera somewhere son public, out there. Comme on dit, ça trouvera exactement son public. Voilà, je suis emballé par d'autres titres. On a tous nos préférences. C'est ça. Voilà. Ok, eh ben, merci et pour ce petit tour. Tout. Merci pour ce petit tour Elroco. Voilà, en tout cas, des petites choses à se mettre sous la dent pour le mois d'avril. Eh bien, messieurs, si vous n'avez pas d'autres news à proposer. Aussi. Qu'est-ce que tu as? Ah, si, il y en a une. Joe. Oh. Attends, malheureux, t'as cru que t'allais pas le mettre. Putain, vous Nani avez... Vous parlez que de jeux de merde depuis tout à l'heure, parlons de bons jeux. Lequel? Mais le même. No Man's Sky. Oui. Sky. Encore. Une nouvelle mise à jour encore. On va te la laisser, Majo, vas-y. Ah non, vas-y, parle-nous-en. Je sais que tu as vachement avancé dans la campagne. Ah ouais. No Man's Sky, bon bah c'est un jeu, t'as un vaisseau, tu rencontres tu creuses des trous, tu te prends des pluies de météorites et tu te fais courser par des pirates. Ça c'est beau. Ça c'est bien vendu. Voilà, ça. Et puis Moi, tout ce que j'en retiens, c'est qu'a priori, on sait pas faire le début. Enfin, on meurt tout le temps et on gâchit. Et puis après, c'est mieux. Faut être un peu patient au début. Donc, après, ça devient plus. Faut lire. Surtout, il faut prendre son temps de lire, même si on est sur une planète hostile qui est en train de nous défoncer la gueule à petit feu. Il faut juste lire et voilà. Regardez ce qu'on nous demande de faire. Bon, c'est tout. On va pas refaire le test. Plus clairement, on parle de la mise à jour orbitale. Donc qui vient d'arriver, mise à jour 4.6, c'est la 25e, 24e, je ne sais plus. On ne compte plus. Essentiellement, donc celle-ci centrée sur les stations spatiales, j'ai oublié le nom, pardon, qui ont été totalement remaniées, que ce soit visuellement ou que ce soit techniquement à l'intérieur en termes d'aménagement. Donc ça c'est la plus grosse partie. Il y a aussi la possibilité de démanteler des vaisseaux en fait et de, enfin ils ont amélioré disons la capacité de pouvoir ajouter plusieurs modules de vaisseaux différents et avoir un vaisseau donc encore plus personnalisé que ce que ça ne l'était. Ils ont aussi mis un système de récompense amélioré en fonction de l'affinité que tu vas avoir avec certaines espèces. Voilà, des nouveaux bâtiments et puis franchement je vous fais pas comme d'habitude le correctif en entier tellement il est gigantesque, hein. Mais voilà, c'est on va dire que c'est à la fois une mise à jour un petit peu de fraîcheur, de renouveau, parce que les stations spatiales c'est quelque chose qui avait pas beaucoup bougé. Ils avaient même fait évoluer le Nexus, donc la partie la zone, l'espèce de hub communautaire où tu peux te rejoindre, donc ça avait été un peu une station spatiale qui améliorait les stations existantes, et là donc ils ont vraiment repensé ça d'un point de vue technique. Donc si vous n'avez encore jamais mis les mains sur No Man's Sky, réfléchissez bien, parce que quand on y rentre c'est difficile d'en sortir et c'est un engrenage très dangereux. Pour ceux qui n'ont pas rejoué depuis longtemps, c'est peut-être l'occasion de redécouvrir un peu le jeu et son environnement. Voilà. C'est donc, ce qu'on appelle un très bon game as a service en fait. Ouais, bah là, on peut encore le dire. Une fois, il part de loin, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a des choses à faire. Améliorer. Bon. Mmh. Ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, on en avait aussi parlé, mais j'ai oublié le nom de leur prochain jeu qui utilise No Man's les Sky mêmes 2. Techniques que No Man's Sky. Est-ce que ça sera VR? Je me pose toujours la question. Et j'ai hâte de le savoir. Et j'espère, bien entendu. On va te reperdre à nouveau. Mmh. Ça marche. Donc No Man's Sky Orbital, voilà, nouvelle mise à jour, mangez-en, comme dirait Sei. C'est excellent, pardon. Merci beaucoup, voilà. Majo. Et ben maintenant, on va passer au test. On va commencer par Pourquoi si, on va passer au test. On va passer au test, tu arrêtes. Sinon, tu hostes la prochaine émission dans 3 mois, donc fais attention. On va commencer par le test de Gantz. Tu voulais nous parler d'horreur. Ah oui, ça va être d'ailleurs des tests très très portés sur l'horreur. Pour cette émission. Oui, effectivement. Alors qu'on n'est pas Halloween, mais en tout cas, voilà, il semblerait que l'horreur et le vent en poupe. Tu vas nous parler de Happy Funland, un parc d'attractions fort sympathique. Et d'ailleurs, j'ai cherché mon vibromasseur, mais je l'ai pas trouvé. Ton masseur à joues. Ah, c'est le tien. Attention, ton masseur à joues. Masseur à joues. Ton masseur de joues, pas ça. Ça y est. Attention. C'est ce que ma femme m'a dit en tout cas. Ouais. Ce que ta femme t'a dit. Oui. Voilà. C'était le moment de gênant. c'est parfait. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Donc No Man's Sky, c'est excellent. Mangez-en. Ouais, voilà. pas de masseur à joues. Donc, le jeu n'est pas parfait. Un jeu que j'attendais quand même un petit peu, j'avoue, Happy Funland. Voilà, de par le côté qu'on l'a présenté, voilà, le parc d'attractions d'horreur, donc super bien vendu. Bon, parc d'attractions finalement pas si fun que ça, donc bon, les bases. Alors l'histoire. Je crois que j'avais déjà posé la question, mais est-ce que c'est la suite de Summer Funland qui est sorti il y a quelques années sur PlayStation VR premier pas du tout. Alors là, qui n'était pas du tout un jeu d'horreur, Summer Funland. Non, mais qui était aussi moche. Happy Funland, Summer Funland. Je me dis peut-être qu'il y a un lien. Vous savez pas, c'est ça? Faut que je recherche. Allez, non. Je peux te garantir que pas du tout. Bon, ok. Pas du tout. Là, t'étais plus sur un roller coaster, voilà. Ouais, non, c'était vraiment un jeu qui avait rien à voir avec ce qu'il proposait dans tous ses modes de jeu. T'avais des trucs cinéma, t'avais des attractions, voilà, comme tu dis, roller coaster, t'avais des. Ah non, mais là, t'es plus sur un. C'est un vrai jeu, entre guillemets, voilà, d'aventure, horreur, enfin de survival horreur. Bon, impose-toi, voilà. Gantz. Impose-toi, Gantz. C'est un FPS. un FPS où tu avances. Donc voilà, tu as les bases, tu arrives donc. C'est de l'aventure. Dans le sud de. Ouais, c'est de l'aventure. Ouais. Hein, tu es dans le sud de la Floride. Donc tu arrives et tu discutes avec Larry, je crois, c'est ça. Larry. Ouais. Et donc le mec avec son superbe accent ricain. Donc tu comprends absolument rien de ce qu'il raconte. Il y a plein de pierres sur son temps. C'est un vrai. C'est un vrai du Bayou. Hein. Donc voilà. Pour le coup, du coup, pour comprendre le scénario, moi perso, j'ai absolument rien compris. Parce qu'il n'est pas sous-titré en français. Non, aucun sous-titre. Voilà. Full English, et en plus, voilà, c'est full américain. Donc, Tu disais des jeux qui sortent de plus en plus finis. Ouais, bah celui-là c'est l'exception. Hein. Il en faut encore. C'est la tradition, si tu veux, Majo. Ouais, parce que dès les premières minutes, tu rentres, tu vas dans les options. Tu cherches, bon, allez, comment je peux mettre le smooth pour tourner, enfin enlever le vignettage, tout ça, bon, attends, il n'y a pas de vignette. Mais voilà, j'ai cherché pour la rotation fluide, et bah, il n'y en a pas. Que dalle. Donc, t'es en snap turn, donc 30, 45 degrés. Donc, rotation 60. Angulaire. Et alors ça, moi, clairement, c'est horrible, je peux pas jouer comme ça. Tu peux plus, ouais. Ah non, j'arrive pas, je me retrouve toujours décalé du coup par rapport à. Je vais avancer droit, non, je suis toujours un petit peu en biais. Et ça fait des let's play. T'as même une boussole. T'as une boussole à tes pieds, tu vois. Ah, mais ça se fait souvent. Ouais, pour te situer, t'as une boussole. Ça se fait souvent, ça. Dans certains jeux. Sachant à qu'en tes plus. Pieds ah oui, à tes pieds. De mémoire, je crois que t'es obligé. Ouais, mais je crois que en plus t'es obligé de jouer assis. Ouais, au bout d'un moment, tu joues assis. Hein. Je joue non, mais de toute façon, même parce que quand tu te mets debout, tu fais 2 mètres de haut. En fait, t'es super grand, donc j'étais obligé de me mettre assis. Même si t'as un bouton pour t'accroupir. Mais c'est soit tu te retrouves au ras du sol, ou soit tu te retrouves super haut. Tu peux pas choisir ta taille dans les options, quoi. Non. Ça fait partie des nombreux jeux, justement, où quand tu joues, où tu peux pas régler, quoi. Normalement, ça devrait être la base pour ce type de jeu, quoi. Puis donc, voilà, donc, dès que je suis arrivé, ça alias. Impossible de lire un texte à plus de 50 cm, 1 mètre. Par contre, dès que tu le colles, là, c'est super net. Un peu comme L-Sweeper à l'époque. Clairement. Ouais, je l'avais pas testé, mais à mon avis, ça doit clairement. Être. Clairement. Ouais, c'est être le même délire. 50 cm, tu lisais pas. Ouais. C'est une question, une question de résolution, à ton avis, ou c'est une question justement pour de performance du jeu, c'est-à-dire qu'arrivé à une certaine distance, en fait, le jeu devient un petit peu moins. Un peu moins net T'as l'impression quand tu avances dans ton jeu que les objets s'affinent assez près de toi ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non, donc ça n'a rien à voir avec ça, quoi. C'est vraiment la résolution. D'accord. Non, je vois. Après, j'ai même pas vu de. Je pense pas avoir vu de clipping. Ça, par contre. Enfin, voilà, c'est assez inégal parce que t'as vraiment des textures dans le fond, les feuillages, tout ça, qui sont assez riches et propres. Et par contre, t'as un tronc d'arbre qui ressemble à rien juste au bord, quoi. Donc, c'est vraiment assez inégal, quoi, en termes de graphisme. D'accord. En fait, ça fait très jeu PSVR quand j'y ai joué et tout. Je me suis dit, c'est très. Oui, c'est ça. C'est PSVR j'ai vraiment 1. Eu. Et d'ailleurs, même, je ne sais pas vu dans les contrôles, j'ai pas compris non plus. C'est que tu appuies sur L2, je crois, L2 ou R2, et tu avances, en fait. Oui. Et si tu appuies sur ce bouton pour avancer et que tu déplaces ta main gauche, ton personnage se déplace. Et moi ça m'a perturbé parce que à un moment où t'as les armes en main, tu vas agiter la main pour frapper et ben ça te déplace en fait. C'est comme si t'avais des options en fait, toutes les options pour éviter la nausée chez certains joueurs en fait n'étaient pas désactivables parce que ce genre de truc là tu le trouves dans plusieurs jeux. Soit c'est le suivi des mouvements avec la tête, soit c'est le suivi des mouvements avec la main, selon la main gauche ou la main droite selon comme tu veux, ou alors virer carrément cette option de suivi. Dans certains jeux. Ouais, mais là tu peux. Et tu peux même pas les enlever. Tu peux rien paramétrer, tu peux pas l'enlever. C'est comme la rotation. J'ai vraiment cette impression, c'est que ça avait été développé pour les moves en fait. D'accord. Tu avançais oui. en appuyant avec un bouton. Je me dis, c'est un jeu PSVR. Quoi. D'accord. Putain, c'est bizarre. Et de toute façon, voilà, quand j'étais dedans, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. J'ai l'impression de remettre un jeu du PSVR. Il y a encore un jeu du PSVR mal branlé, hein, parce que en termes de bugs, ouais. C'est le florilège, parce que ah ouais, c'est tu passes à travers les textures, quoi. T'as des portiques à l'entrée, tu passes littéralement à travers, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ce niveau de finition. Ah ouais, là, et t'as des combats au corps à corps, au gun. Comment ça se passe? Non, t'as juste des armes. Bon, j'ai fait que la moitié du jeu, hein. Mais voilà, de ce que j'en ai vu, de toute façon, je pense que ça reste comme ça jusqu'au bout. Tu récupères des clubs de golf, une balayette, ouais, puis voilà, tu récupères le club de golf. Alors, limite, moi j'en ai même récupéré deux, puis après, voilà, je t'amuse avec ça, mais. Et les combats sont intéressants, il y a un peu de physique. T'as l'IA qui. Généralement, ils arrivent par deux, les ennemis arrivent par deux, ouais. ils te foncent dessus. Et puis toi, tu te contentes, limite, t'as même pas besoin d'acheter les bras, tu mets l'arme en face d'eux, il y a le choc qui se fait en fait, quoi. Tu ils prennent du dégât. L'interaction. Voilà. Et puis en gros, tu tapes jusqu'à ce qu'ils finissent par exploser en slow motion. D'accord. Mais il y a une bonne ambiance au moins dans le jeu de parc d'attractions abandonné. Justement, ouais, je me suis dit, voilà, graphiquement, tout ça, c'est pas top, mais bon, on va quand même rentrer, on va avancer. Mais clairement, moi, je me suis fait chier. Ce que j'en ai fait dans le parc, je me suis fait chier. Pourtant, il y a des bonnes idées. Hein. T'as de très bonnes idées. T'as des clins d'œil, t'as des attractions. Bon, je vais pas spoiler s'il y en a qui veulent tenter quand même l'aventure, qui vont te rappeler le parc d'attractions français le plus connu. Quoi. Donc t'as, voilà, le t'as PAL avec, le parc. À quoi non, mais il y a un parc qui s'appelle le PAL. Tu parles de celui-là, c'est bien entendu, non? Le parc le plus connu. PAL. Ouais, le PAL, ça existe, ouais, tout non, à fait. Non, j'y allais quand j'étais petit, d'accord. Tout à fait, monsieur. Non, c'est le parc aux grandes oreilles. Ah oui, les grandes oreilles avec des ailes. De toute façon, dès le début, t'as la voix de Mickey qui t'introduit dans le jeu. À quoi Splash ? Si je puis dire. Ouais, donc non, en fait, ouais. tu enchaînes, ouais, c'est un petit parc, hein, au final. Donc, tu as une carte au début du jeu, tu trouves la carte, qui te sert à rien. Elle est illisible. Donc, enfin, voilà, moi, personnellement, t'as le gars là sur son, le truc qui va dans les marées là, qui t'emmène, voilà, dans le parc qui est complètement désaffecté et tout. Donc, petite séquence où t'es un petit peu en mode roller coaster où tu regardes tout autour les alligators, qui dès que t'arrives font. Ok, puis disparaissent. C'est un peu, comme l'intro de Call of the Mountain, non? What? Ah ouais, non mais. Alors ouais, mais rien à voir. C'est pareil, vite fait. Non, mais t'as les alligators qui traversent les murs, quoi. Enfin, ils passent devant toi et puis ils disparaissent. Tu sais pas. Ah oui, il y en a un. Je l'ai suivi, tu sais, juste pour voir où est-ce qu'il allait, mais il disparaît littéralement dans le béton. Ouais. C'est ça, c'est on passe à travers le coucou, genre de bus. C'est peut-être des fantômes de crocodiles. Bah pas trop, hein, parce que là, t'as le, je sais plus, Larry qui s'est fait becquer les deux jambes, justement en se baladant comme ça parmi les alligators, et puis voilà, bon, il le prend bien, il dit, oh, bon, ça risque du métier. Ouais, tu vois, t'avais compris ce truc-là, moi j'ai même pas, j'avais même pas noté ça. Ah, je vois beaucoup de gens qui articulent pas beaucoup, et puis vu que je suis bourré très souvent, voilà, je comprends le langage. Bourré. Yeah. Et justement, il est très énervant parce qu'il te file un casque. Toi, après, t'es dans le un casque audio, et, puis, et toi, t'es dans le parc. Et le mec, il te parle sans arrêt. Mais il te commente. Saoule. Ah, c'est le syndrome. Je pense, tout ce que tu fais. Okay. Tout ce que tu fais, il commente. Donc, en gros, voilà, tu croises un bout de bois. Dit, ouais, c'est ce bout de bois et tout. C'est ça. Il te dit ce qu'il faut faire. Donc, voilà, j'ai réussi à comprendre plus ou moins ce que je devais faire. Mais bon, de toute façon, les énigmes sont tellement simples que il n'y a pas, voilà, il n'y a pas cherché pour comprendre ou avancer. Ouais. Mais on sent qu'il y a quand même, il y a des petites références, il y a des petites références à Mickey. Il y a, les animatroniques, ça fait un petit peu penser, à tout le florilège de Five Nights Freddy's, où certains même me faisaient penser à Taxi Vision dans Total Recall, vraiment le. C'est ce que j'allais dire, moi, c'est Total Recall, le taxi, la tête de l'automate, ça me fait penser à ça. La tête de l'automate est vraiment, c'est marrant, c'est à la fois le truc, genre, qui te regarde du blanc des yeux comme un cocaïnomane et avec le sourire, genre, on s'amuse, hein. Oui, d'accord. Et le genre de ballon aussi, un ballon rouge, qui rappelle. Il est revenu, il est revenu, Stephen King. Que tu suis au début. Il y a des idées, on voit quand même qu'il y a un travail sur l'architecture du parc, quoi. Que tu te balades quand même, c'est très linéaire. Tu passes. Ah, c'est les attractions sont bloquées, t'es obligé de passer à chaque fois par une attraction pour aller faire les suivantes. T'as une petite énigme à la con. Okay. Et souvent l'énigme à la con, et en plus je sais pas, le gars il s'est dit ah putain, et c'est trop bien cette énigme, je vais la mettre sur tous les plans et tout, toutes les étapes. C'est le club de golf là, tu dois faire un mini golf. Ah oui. Tu dois envoyer la boule, mais la boule fait n'importe quoi. Le club, la physique quoi. Est horrible. C'est horrible. Il y en a, il m'a fallu 20 coups pour mettre la boule dans le trou. Alors j'étais là juste devant le trou et j'arrivais pas. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais il y a des moments, ils se sont dit tellement que bien sûr, toujours, de balles dans les trous. Et il y a des moments où ils se sont dit, ah mais tiens, on va mettre des pentes, tu sais, on va faire des terrains de golf où ça va être des pentes en hauteur, tac. Et en plus, on va rajouter encore plus de fun. On va mettre un genre de, tu sais, les décors comme les moulins avec les pales de machin. Mais avec une physique qui tient pas la route, quoi. Et une physique à chier. Ouais. Donc la séquence 5 minutes pour réussir à passer la balle, quoi. Ça devient vite lourd, quoi. Avec les animatroniques qui te harcèlent et tout machin. Donc je sais pas, t'as un homme cigarette, t'as un machin. Ouais, tu sens qu'en fait c'était des animatroniques pour le parc, en fait, qui étaient là pour accueillir les gens. Five Nights at the Freddy's, quoi. Qui t'attaquent et puis bon, ils viennent par deux généralement. Ils te foncent bêtement dessus. Ils tombent par terre. C'est vraiment, t'as pas l'impression vraiment de le faire tomber par terre. Tu le fais tomber par terre parce que tu l'as touché du bout du club. Ouais, c'est ça. C'est. Il y a aucune physique. Tu tapes, ça fait même pas reculer. T'as pas de sensation. Il y a aucune gestion. Ouais. Au début, t'as les petites mirettes. Tu découvres. Tu te dis bon, d'accord, ok. Il y a des idées. Et après, t'as pas de réaction. T'avances. C'est de la merde. Oui, je pense que. Ah oui, clairement, En un mot comme ça. Toi, t'as envie de comprendre. Je pensais y être allé un peu fort, mais au final, non. Le gameplay, vraiment. Il y avait des bonnes idées, il y avait des idées. Non, mais le gameplay est à chier, techniquement, c'est à chier. Attends, on va essayer de trouver un truc. Le son, c'est bien ou pas? L'ambiance sonore. Le son, tu as une ambiance qui colle sur un parc à thème, mais c'est pareil, c'est saoulant. Entre le mec qui arrête pas de te blablater à l'oreille, plus ces musiques te font redondantes. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un truc en boucle derrière la musique de manège. It's a small world. Hormis certaines attractions où effectivement ça a changé, où j'ai vraiment reconnu la petite musique. Je vais pas vous la mettre en tête, sinon vous allez. The Small World. Vous allez la fredonner demain matin. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais la mettre en fin d'émission. La journée de tout le monde, moi, tu vois. T'as une musique qui ressemble. Franchement, celle-là, j'ai trouvé pas mal. Je sais pas si tu l'as fait, toi, El Rocco, cette séquence-là. cette séquence-là. C'est possible. C'est possible, mais tu sais, comme, enfin, je sais pas, c'est. Ouais. Ça c'est pour ça que je dis, voilà, il y a quand même des bonnes idées, mais ouais, après ça part. Ça m'est sorti de la tête parce que voilà, moi je me suis arrêté au moment où bah encore tu dois passer un pont où t'as genre de grands. Ouais, des gardes. Bah, des gardes marionnettes géantes qui ont les épées, et les épées il faut les relever et puis rentrer dans une autre partie du parc. Je me suis arrêté juste après. D'accord. Que, je crois que je me suis arrêté avant. T'as pas fait. Je me suis arrêté avant. C'est trop. C'est ce passage-là. Bon. Trop de fun. Donc, ouais, tu le fun. Ouais. Est-ce que ça, tu retrouves les attractions classiques. C'est pour ça. C'est dommage parce qu'il y avait un beau potentiel. Alors, est-ce que des patchs permettront d'améliorer l'expérience? Je pense que oui, c'est faisable. Mais est-ce que c'est prévu? Le 2 sera mieux. Le 2. Ouais. Est-ce pareil, qu'il y a un truc à sauver? Non, parce que même la durée de vie, j'ai joué elle est pas ouf, deux heures, j'étais à 54%. D'accord. Sachant que dans les deux heures, j'ai recommencé la première demi-heure. C'est vrai que quand j'ai voulu commencer la preview, j'étais fatigué ce soir-là et j'ai attrapé motion sickness. Ah. J'étais pas bien. En fait, la petite balade en barque au début, ça m'a retourné. Et donc du coup j'ai lâché, puis je suis revenu et j'ai recommencé le lendemain. Donc je me dis que j'ai dû jouer, on va dire, une heure et demie, et j'étais déjà à plus de la moitié du jeu. Donc c'est le jeu, je pense qu'en moins de 3 heures il est bâclé. Oui, il est bouclé, ouais. Ouais, de toute façon, bah, Caviar m'a dit qu'il l'avait fait et il l'avait fini en à peine 3 heures. Donc, Il est à combien ce jeu? Même sur ça. Trop cher. Il était à 25, je crois. Et 30 balles en boîte. 30 en boîte. Ouais. Bon, bah, une occasion manquée, dommage. Ça aurait pu être. No Man's Sky, 15€ d'occasion. Un jeu avec une bonne ambiance, un petit peu horrifique, mais ouais, y a pas grand chose pour le sauver, quoi, malheureusement. C'est malheureux. Non, après, c'est un jeu moins de 18, donc il y a énormément de connotations drogue, sexe. Subversion, oulala. Donc voilà, c'est pour ça on va dire, ouais, y a des petits trucs comme protéger ça qui font sourire. Tu vois le parc d'attractions, il y a une attraction pour la limite de taille. En fait, t'as la gonzesse avec ses gros lolos, et en fait c'est marqué, voilà, si tu passes au-dessus de mes lolos, t'as le droit d'aller dans le. D'accord, il y a un petit dans l'attraction, quoi. Il y a un petit sous-texte. Voilà, il y a un petit sous-texte un petit peu parodique quand même dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est déjà ça, quoi. Tu te dis, voilà, pour un parc d'attractions. Pour adultes. Comprends pourquoi il est fermé, quoi. Pourquoi pas. Ok, ouais, ça marche. Bon, bah. Bon, le conseil, donc, pas. Ouais, spécialement. Donc, mouef, ouais, quoi. Cross Deception. Ok, ça marche. Donc, du coup, les gens, ils économisent des sous pour acheter No Man's Sky, comme dit Majo, ou peuvent tenter en promo. Mais attendez un patch, clairement. Ouais. En plus, ouais. En promo, pour quoi faire? Bah, puis de toute façon, déjà, ceux qui sont. Qui n'aiment pas l'anglais. Non, mais même en promo, j'en veux pas. Enfin, je veux dire, faut pas acheter ce genre de truc. Quel message ça envoie? Ça me fait penser, bah, vu qu'il y a pas de gameplay, vu que voilà, les combats sont à ce point-là mal branlés, style, que tu passes à travers des portiques alors qui n'ont pas de physique, qu'il y a zéro sensation, bah, ça me fait penser à Horror. Une espèce de jeu de merde, la Horror VR Adventure. Horror Adventure. Où le jeu, tu sens qu'il est mal branlé. C'est pas. Enfin, c'est juste mal branlé, quoi. C'est... Bon, il a l'air mieux. Même à 2€. Il a 2€. Il a quand même l'air mieux fait. Oui, bah oui. Horror VR Adventure, hein, mais bon, même. Je veux dire. Mais c'est le genre de truc que déjà ça choque sur un écran plat. Alors quand t'es en VR et que tu vois que tu peux passer à travers un portique comme un fantôme et que t'as zéro sensation, ça te saute encore plus à la gueule, quoi. Non, on mérite pas ça, et puis il y a mieux à côté. Il y a clairement mieux à côté. Il y a mieux à côté. Ok, bon, t'as un autre truc à rajouter, Gantz, sur ce magnifique Happy Fun Land? Non, un emoji caca, c'est tout, quoi. Un emoji caca, c'est très bien. Pour conclure, ça roule. Bah, merci, Gantz. On va passer à la suite. On a eu la primeur. On va passer à Medison VR. Voilà. On a eu la primeur. Madison. Montre ton beau t-shirt. Bouge ton micro, Elroco. Faudra le retourner, hein, mais voilà, parce que tout est inversé. Mais Madison, oh yes. Non, on le voit bien, nous. Ouais, nous on le voit. Hein. Nous, on est à l'endroit. Ah, vous voyez, genre pas écrit à l'envers. Bon, par contre, effectivement, les gens qui écoutent le podcast en audio ne vont rien voir, forcément. Ouais. Donc, voilà. Mais oui, voilà, le jeu tant attendu, je pense qu'il va redresser le niveau normalement. Nyeh. Normalement. Nyeh. Ouais. Bon, voilà, il y a un vieux de la vieille qui l'a testé et il n'est pas convaincu. Voilà, donc un jeu de Bloodious Games dont on a parlé plusieurs fois pendant l'émission de ses annonces, de ses reports, de ses trailers. Et voilà, du peu de choses en fait qu'on savait sur ce jeu-là. Et on doit bien remercier quand même le développeur de nous avoir fourni la clé, en tout cas une démo, c'est pas vraiment une clé, c'est une démo test de Madison VR sur PC. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions apparemment qu'ils l'ont eu, donc merci à eux de nous avoir permis de vous montrer un petit peu ça. J'ai fait une petite preview un peu longue malheureusement de cette session de jeu, en fait, de l'intégralité en fait de cette démo qui correspond selon les développeurs à 30% du jeu, ce qui me fait un peu peur parce que du coup c'est quand même un peu court. Je doute quand même de ce chiffre là. Ça va faire du 3 heures quoi. Non, je suis pas. T'es pas d'accord avec ça ? Je suis pas convaincu. Je suis pas. Parce que c'était vraiment. Pas trop d'accord. C'était vraiment marqué sur le truc. Et moi j'ai l'impression que c'est une intro. Ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme. C'est vraiment une intro et que. Ah, boum, ça me paraît peu moi. Moi ça me paraît peu. 30% du jeu. Hein. 30% du jeu. Bah c'est énorme. T'as rien fait en fait. Non, j'ai rien fait. Bah en tout cas j'espère que j'ai rien fait parce que. Non, c'est pour ça, c'est 30%, c'est énorme comparé à ce que tu as fait. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent bien après. Alors, ça veut dire que là où je me suis arrêté, je suis à 75%. Quoi. Toi, tu l'avais fait en plat, toi. J'ai commencé à le faire et je me suis arrêté dès que j'ai entendu VR, hop, j'arrête tout. Mm-hmm. J'arrête tout, je coupe. Coupe, cut. T'as bien fait. Et puis, j'essaye d'oublier tout ce que j'ai pu voir, mais. Voilà, j'en attends énormément. T'as bien fait. Alors, quand je dis ça veut dire peu, ça me paraît peu pour la durée de vie, quoi, je veux dire. Ah oui, non, c'est pas possible. En gros, si c'est effectivement 30%, ça veut dire que le jeu il va durer 2 heures. 2 heures et demie. Ouais, tu vois. Donc j'y crois pas trop. Donc pour faire un petit résumé, donc, c'est un jeu d'horreur en vue subjective. On va incarner un gamin qui va essayer d'échapper à une espèce de psychopathe dans une baraque où il est planqué, où son oncle l'avait invité. C'est un espèce de scénario prétexte à rendre mal à l'aise avec des histoires de famille un peu crades. Et, et voilà, dans une maison qui fait un petit peu penser à la maison des Baker dans Resident Evil 7. Un peu miteuse avec les murs, ils sont dégueux, c'est mal rangé, il y a du bruit de partout, des bouteilles de partout, et on trouve trop de bruit. Hein. Trop de bruit. Hein. Voilà, c'est un peu cracra. On sent qu'il y a une dimension fantomatique. Certains passages qui vont essayer de te retourner un petit peu le cerveau, qui n'auront pas forcément de cohérence, un peu mystique derrière, mais horrifique quand même. Et à un moment, tu trouves un appareil photo, et c'est un peu la feature du jeu, c'est-à-dire que tu vas avoir uniquement ton appareil photo pour faire apparaître des indices pour progresser, parce que ça sera majoritairement du coup des énigmes qui vont te permettre d'avancer dans le jeu et de progresser. Et ce petit gimmick en fait de l'appareil photo et du flash qui te permettra d'allumer juste rapidement dans une fraction de seconde des couloirs un petit peu sombres, juste pour mieux te surprendre, et ben ça fait ça renforce vraiment justement le côté horrifique du jeu. Ça marche pas trop mal. Au niveau de l'ambiance, il y a pas grand chose de bien original en fait, mais ça fonctionne plutôt bien. Il y a un truc que je regrette, c'est au niveau du sound design. Les sons n'ont aucune cohérence, c'est à dire que tu vas entendre des bouteilles qui tombent, des grattements derrière les murs, un téléphone portable qui va sonner, des portes qui grincent, qui s'ouvrent et qui se ferment ou qui claquent, mais ça sera uniquement en fait ça sera pas des indices sonores qui vont t'aider à progresser, ça va uniquement être des c'est très aléatoire en fait, et pas forcément scénarisé et incohérent avec le gameplay, localisé en fait, ouais. Et surtout incohérent. Alors c'est localisé, mais en fait c'est ça tombe, enfin comment dire, C'est jamais. T'as souvent l'impression que c'est pas au bon moment en fait. C'est mal cadencé. Mais c'est le surtout, rythme n'est pas bon là-dessus. Et surtout, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Oui, voilà, ça n'a rien de lié forcément avec l'histoire, quoi. C'est important justement, je pense, dans un jeu à ambiance, quand tu entends un bruit qui est là pour te faire traquer un petit peu, que justement, ouais. Si t'entends une porte qui grince de l'autre côté d'un mur, par exemple, il faut justement que t'aies une porte qui existe de l'autre côté. Si t'entends, si t'entends un téléphone portable qui sonne, eh ben, je l'ai cherché le téléphone portable, hein. Je l'ai jamais trouvé parce qu'il n'existe pas. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui... Alors moi j'ai une petite théorie, c'est pas parce que j'ai envie de protéger... Peut-être un que ça va être justifié dans le scénar, ça j'en sais rien encore. Mais en fait ce jeu-là joue énormément sur tout ce qui est la possession, les choses qui sont là, on va dire, pour te rendre parano en fait. Ouais. C'est très psychologique en termes d'horreur. Après, je pense qu'il y a une grande partie, pour te rendre parano, de choses que tu entends dans ta tête, mais qui n'existent pas, tu vois. Que c'est juste toi, dans ta tête, un petit côté parano, schizophrène, tu vois. Ah, tu crois ? Tu crois que le personnage entend, par exemple, des éclats de verre par terre parce qu'il voit des bouteilles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. En fait, il fait partie un petit peu comme on va parler après plus tard. Ouais, c'est ce que je voulais dire. T'as trop joué à un autre jeu, toi. Non. Oui, aussi peut-être. Mais en fait, c'est vraiment. J'ai l'impression qu'il y a, cette tendance-là, vraiment, de vouloir rendre le joueur pas. Parano, de se dire, mais attends, est-ce que c'est moi qui délire ou qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai que t'entends énormément de bruits qui n'ont aucune cohérence en termes visuels. Mais énormément de films sur la possession en mode pas-zouzou, en fait, t'es un sujet qui est un petit peu persécuté par une entité. Et l'entité, pour prendre possession de toi, te fatigue, non mais c'est vrai, ça a marché parce que le jeu, la démo m'a un peu fatigué. Il affaiblit. Mais c'est parce que t'étais debout, ça. En termes de possession, tu vois. Et je me dis, est-ce que c'est pas justement le côté pas vraiment schizophrène, paranoïaque? Ouais, mais alors, on rentre vraiment dans un détail très très. C'est une théorie intéressante. Après, on peut rentrer dans un détail comme ça, et puis on va pas non plus y passer 3 heures dessus. Mais du coup, pourquoi mettre des sons réalistes, en tout cas qui sortent, qui viennent de la réalité, alors qu'ils auraient pu, je sais pas, mettre un bruit un petit peu étrange de l'autre, un bruit un petit peu étrange de l'autre côté d'un mur, un truc, tu sais, que tu comprends pas, un bruit que tu comprends pas. Peut-être que ça aurait un petit peu plus fonctionné, comme dans certaines œuvres d'horreur où t'as des fantômes, où t'entends des bruits de cordes, tu vois, comme des Projets Zéro, ou mais pas une bouteille qui tombe, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai plus de ou comme dans le jeu là après, oui. Contextualisés, qui sont vraiment bizarres, localisés. Une porte qui claque, une porte qui claque, le bois qui grince. J'habite dans une vieille baraque, ça me fait pas peur, quoi. C'est un petit peu ça le souci. Au-delà de ça, il y a quand même une petite mise en scène qui est sympa, avec des objets qui ont rien à foutre à certains endroits, qui se déplacent tout seuls, tu comprends pas pourquoi. Tu te poses des questions, t'essayes d'avancer justement au fur et à mesure de la mise en scène du jeu, qui fonctionne bien, qui reste efficace quand même, qui essaye de te mettre le trac, qui te montre des trucs un petit peu dégueulasses, qui te prennent pas surprise, quelques jumpscares, mais pas non plus des trucs trop abusés. Les jumpscares de la fin, c'est de la démo. La fin, c'est vraiment le premier gros jumpscare. J'avoue avoir été surpris. Voilà. J'ai pas crié. Hein, voilà. Non. Mais ça m'a un petit peu surpris. La petite fille en toi. Bien joué, jeu. Non, mais c'est vrai, justement, et c'est grâce justement à la technique de gameplay de l'appareil photo qui flash, c'est forcément efficace. Dès que tu flashes et que tu vois un truc qui n'était pas là avant, qui te saute à la gueule, je compte sur ce jeu pour me faire flipper. Ça fonctionne forcément. Surtout que ça fait vraiment. T'es vraiment dans le noir, hein, du coup. T'es vraiment dans le noir complet. Oui. Il y a aussi les espèces. Il y a certains moments, oui. Alors, les couloirs sont vraiment plongés dans le noir. Je tiens à rétablir la vérité sur la preview. Les petites bulles qui sortent de l'eau, c'est pas moi qui ai pété, hein, attention. Hein. C'est voilà, je tiens à préciser ça. C'est quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Ouais. C'est pas mon personnage. Hein. Je l'ai pas regardé, je l'ai que écouté en fait pour pas me spoiler. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment t'es dans la flotte en fait, quand t'es en sous-bassement, tu passes par un puits, c'est vraiment le début du jeu. Hein, donc tu vas dans un puits, t'as de la flotte jusqu'à la taille et puis t'entends puis comme si quelqu'un allait péter dans l'eau, ça me fait beaucoup rire. Ça sort complètement du contexte et de. C'est pas normalement le but du jeu. C'est censé te faire peur. C'est censé te faire peur. Il y a peut-être un monstre sous la flotte, mais pour moi c'est quelqu'un qui a pété. Bon, bref. Alors, il y a un petit souci technique. Alors là, c'est une démo hein, qui a été envoyée. Il n'y a pas, même pas le jeu complet en fait sur le fichier qui a été envoyé par le développeur. Mais il y a quand même des gros problèmes d'optimisation. J'ai une 3090. La preview a été faite sur PC. Le jeu est pas fluide, sois pas jaloux. Le jeu est pas fluide et a tendance dans les déplacements à saccader en fait. On sent que les 60 FPS ils sont absolument pas tenus. Attention à ton processeur et à la pâte thermique. Non mais moi contrairement à toi, je le change pas tous les 4 ans. Il tartine pas comme un burger. Je fais pas cuire mes steaks dessus si tu veux. Donc normalement ça devrait bien se passer. Je la mets sur le processeur, pas en dessous. C'est des gaufres. Donc oui, ça rame un petit peu. Et puis il y a un souci, surtout au niveau des contrôles. On sent que c'est un jeu hybride, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que le jeu est un jeu plat. C'est une adaptation d'un jeu plat qui se joue à la manette. Ils ont essayé de rajouter du motion gaming dedans. Ouais, voilà, tu sais pas quand est-ce qu'il faut appuyer sur X et quand est-ce que tu dois manipuler. Ça a le cul un petit peu entre deux chaises. Déjà, pour ouvrir les portes, c'est une tannée, en tout cas sur la démo et... je rajoute le fait que les développeurs ont dit c'est vraiment pas le produit final, c'est vraiment pour donner une idée du jeu et de l'ambiance, mais tenir une porte, tirer la poignée et tout, c'est une tannée, vraiment. Le personnage, on a l'impression qu'il a de l'huile sur les doigts, il tient la poignée et dès que tu tires un petit peu ta main, et ben ça, il lâche la poignée, et c'est ça pour à peu près tout. Chaque objet en fait est obligé vraiment de prendre l'objet, de le foutre bien derrière ton épaule, de marquer un temps d'arrêt et de lâcher l'objet pour pouvoir le mettre dans ton sac à dos, dans ton dos. T'as certains objets aussi, dans un jeu plat, tu récupères par exemple une enveloppe, tu la tournes dans tous les sens, tu te poses pas la question en fait si tu peux l'ouvrir ou pas. Bah, moi je me suis longtemps posé la question, la première enveloppe que tu trouves, savoir si je pouvais ouvrir l'enveloppe, voir s'il y avait une lettre dedans, parce que juste avant le jeu te montre que tu peux trouver une boîte, ouvrir la boîte et récupérer un objet dedans, je me suis dit ça va être pareil, j'ai cherché à triturer la lettre pendant je sais pas combien de temps pour voir s'il n'y avait pas un texte autre que l'adresse à laquelle tu étais. Il y a ce genre de petites choses là. Et au niveau de la progression, des énigmes qui peuvent paraître logiques et évidentes quand tu es en plat, justement à cause de la limitation du gameplay, parce que tu n'as pas le motion gaming qui vient rajouter une surcouche en fait de possibilités, et ben en fait les énigmes deviennent moins évidentes. Vraiment moins évidente. Il y a des choses que tu peux faire, par exemple dans un jeu plat, une des premières énigmes en fait c'est de prendre un tableau et de le déplacer, de le mettre à un autre endroit. Déjà faut comprendre le truc. Sur un jeu plat, tu le prends, ça fout dans ton inventaire, et puis après tu cliques sur l'endroit où tu penses pouvoir mettre le tableau, et puis tu sélectionnes ton item et tu poses le tableau, basta. Là faut penser en fait à prendre ton tableau, le mettre dans ton inventaire et cogiter et repenser en fait que tu peux mettre ce tableau là dans un autre endroit. Je sais pas si je suis très clair, mais en fait il y a une surcouche en fait à cause du gameplay qui est apporté par le motion gaming. C'est pas intuitif. C'est pas intuitif. Et du coup tu te retrouves à essayer avec ton appareil photo à prendre des photos un petit peu n'importe où, un petit peu au hasard. Le jeu te montre te fait croire en tout cas à des points d'intérêt et à des énigmes que tu pourrais normalement pouvoir solutionner, mais en fait tu dois pas les faire encore à ce moment là du jeu, t'es obligé déjà de photographier un objet en particulier qui moi m'a pas paru évident en tout cas pour pouvoir ensuite avancer, avoir une scène qui se passe, que ça fasse avancer, que ça t'ouvre une porte, etc. Il y a plein de trucs un petit peu laborieux qui fait que, enfin pour moi en tout cas ça a été laborieux. Alors peut-être que j'ai manque peut-être de logique, je sais pas. Mais j'ai l'impression en fait c'est un escape game quoi en fait. C'est ça, mais le fait en fait que ce soit VR, ça te pose une surcouche en fait de difficulté d'appréhension de ton environnement que t'as pas forcément dans le jeu plat. Et je pense que entre ça et l'optimisation du jeu et puis le gameplay surtout qui a pas l'air trop maîtrisé sur la gestion des objets, des portes et des trucs que tu dois maintenir, je pense que c'est ça qui peut expliquer un petit peu le report du jeu et les reports successifs du jeu. J'ai un petit peu peur, en tout cas, ce que mitigé, quoi, donc. Il faut pas qu'ils se plantent, celui-là. Bah, faut pas qu'ils se plantent, non. Et comme je vous avais dit, quand il devait sortir normalement en début du mois avant d'être reporté, c'est soit il sort dans une version absolument dégueulasse, floue, et puis surtout avec un gameplay boiteux, soit il est retardé. Et ils ont pris la bonne décision de le retarder. Et je pense que c'est un sacré casse-tête pour ce studio-là pour adapter efficacement leur jeu. Il y a des bonnes bases. Il devait déjà sortir à Halloween. Ouais. Parce qu'il y a des bonnes bases. Il sortira peut-être à Halloween. Le jeu est pas mauvais, hein, mais il peut pas sortir en l'état, quoi. C'est pas possible. Est-ce que le motion gaming est une véritable plus-value? Et là, est-ce qu'on pourrait pas faire un peu le comparo, j'allais dire, avec Resident Evil, mais bon, qui quand même a un peu de motion gaming, mais est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de faire du flat to VR jouable manette? Alors ça va en faire gueuler pas mal, mais je pense que si, ça aurait été bienvenu, je pense, de savoir sur quelle fesse se poser, quoi, parce que t'as vraiment le cul entre deux chaises sur ce jeu-là, et les développeurs l'ont, clairement, quand tu as, par exemple, t'as un petit peu comme le coffre de Resident Evil, c'est-à-dire que t'as des coffres forts où tu peux mettre des objets que t'as trop dans ton inventaire pour pouvoir les retrouver, retrouver un autre coffre fort et avoir accès à ces objets-là. Ce coffre fort, en fait, t'as une grosse poignée pour pouvoir la tourner, t'essayes de la tourner, puis tu te rends compte qu'en fait, finalement, t'as juste à appuyer sur un bouton pour ouvrir le coffre fort. Alors que la porte que t'as ouverte avant, bah, tu prends la poignée pour tirer la porte motion gaming. C'est soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre, mais tu proposes pas un truc comme ça, le cul entre deux chaises. Où les deux fonctionnent, comme Resident Evil, pour le coup, qui fait les deux. Top, voilà, c'est plein de tout petits détails, alors je suis peut-être pointilleux, mais tu vois, par exemple, tu dois mettre un clou sur un mur, je m'attendais à devoir trouver un marteau, surtout que tu trouves un marteau, de prendre ton petit clou et puis de devoir taper pour l'enfoncer. Non, tu poses le clou et il s'enfonce comme papa dans maman uniquement. C'est très bizarre, quoi. C'est soit tu vas au bout de ton gameplay, soit tu fais un truc simplifié comme Resident Evil 7, tu vois, où t'as pour ouvrir une porte, t'appuies sur A et puis basta, quoi. Et après, la feature du coup motion gaming, c'est quand même l'appareil photo. Ça marche bien parce que donc c'est un Polaroid. Donc tu prends ta photo, tu tires ta photo de ton appareil photo et t'es obligé de la secouer comme à l'ancienne pour voir ce que t'as. Et ça fonctionne bien. Et ça, par contre, au niveau du gameplay, cet appareil photo, c'est vraiment la grosse bonne idée du jeu. Parce que clairement, même ça se voit quand je me suis filmé pour la preview, t'es dedans, t'as ton appareil photo dans ta main, ton cerveau se pose pas d'autres questions, t'as ta photo dans ta main, tu secoues, t'es dedans, tu vois si t'as des indices, si tu vois pas un truc bizarre sur la photo, ou ça fonctionne bien. Et t'en fais quoi de ta photo après? Après, tu la mets dans l'inventaire, ça se met dans un dossier. Non, en fait, ça se met dans l'inventaire. C'est la plupart des photos, en fait, en tout cas, les photos importantes se mettent dans ton inventaire. Les autres, tu peux les jeter. Et puis des fois, tu fais un petit peu le tri, tu vides les photos qui sont ratées. Mais tu peux les laisser sur le sol, du coup. Ouais, mais elles disparaissent. Ah. Je t'avoue, j'ai pas fait gaffe, mais elles je pense disparaît. Qu'elles disparaissent. Non, ça disparaît. Ça disparaît. Ouais, ça disparaît. Tu sais, c'est genre, tu vires, tes limites, tu supprimes, ouais. Elles tombent pas par terre. Elles ont pas de... C'est vrai que ça aurait été marrant. Elles ont pas de consistance physique, quoi. Non. Et pareil, avec ce problème de gameplay motion gaming, t'as certains cartons, certains objets en fait que tu peux porter, que tu peux tenir, et d'autres comme des cartons, t'as l'impression d'avoir de l'huile sur les mains, et puis ça. C'est pas Alix, ça c'est clair. Ouais. Faut encore une fois terminer par dire que c'est une démo et que. Oui, clairement. Voilà. Le jeu n'est pas fini, ils ont bien insisté là-dessus. Ouais, c'est une clairement. Démo pour voir où ça va, mais le jeu n'est pas fini. Et puis, de toute façon, il a été repoussé. Donc. C'est une démo bêta-test, clairement, au niveau de l'opti, que j'ai vraiment envie de voir s'améliorer, en tout cas, parce qu'il y a certaines bonnes idées de mise en scène, hein, parce que le jeu ne vaut que pour sa mise en scène. Avoir une espèce d'horloge comme ça qui apparaît en plein milieu d'un couloir. Alors que tu t'y attends pas, tu te poses des questions quand même en avançant. Surtout qu'il y a un drap genre énorme dessus, tu te dis. Il y a un drap dessus, tu vois, t'auras beau essayer de tirer. D'accord. T'auras beau essayer de tirer le drap, ça va pas marcher. Tu vas le tirer dans tous les sens. À un moment, je pense qu'il y avait un bug parce que, on le rappelle, c'est une démo. Mais je tirais dans tous les sens, j'avais rien qui m'indiquait en fait si je pouvais le tirer ou pas. Donc j'ai lâché l'affaire, j'ai essayé de trouver une solution ailleurs. Puis après, je me suis rapproché à nouveau de cette horloge, la même horloge. Et puis là, t'as un petit bouton où c'était marqué appuie sur A pour enlever le drap. Donc t'appuies sur A et boum, le truc il tombe et voilà. Bon bah sauf que ça marchait pas, ouais, il y a deux minutes et ça marche maintenant. Donc j'espère. Ouais. Ouais, c'est vraiment voilà. C'est le script version, a déclenché quoi. Voilà. Ouais. Et puis bah les meilleurs instants arrivent après, donc j'espère que voilà ça tout ça sera peaufiné aux petits oignons quoi. C'est ça. Parce que là c'est vraiment une mise en bouche, hein. L'apparition finale voilà. De l'esprit, c'est vraiment une mise en bouche. Après, il y a des séquences monstrueuses. Bon, en tout cas, on a hâte. J'ai hâte. On a hâte de découvrir ça, parce que en plus, l'ambiance et les décors sont quand même plutôt bien. C'est bien détaillé. Tu sens que par ces décors, en fait, il y a une histoire qui se met en place, que des gens ont vécu là. Toi, c'est la maison des grands-parents, je crois. Ils avaient un sacré syndrome de Diogène, parce que c'est absolument dégueulasse. Il y a un petit souci voilà, d'accumulation. C'est un petit peu The Visit de Shyamalan, tu vois. C'est, voilà, les grands-parents ont senti qu'ils avaient un petit souci, quoi. Donc, ça parle de démonologie. Tu découvres aussi par des cassettes. Voilà, ça t'explique un petit peu le scénario. Le jeu est en anglais sous-titré en français. Donc il n'y a pas de problème d'accent, de compréhension, ça, n'importe c'est quoi, bien. C'est très bien traduit, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Déjà 5 sur 10. Voilà, de base, de principe. Mmh. Et voilà, quoi, des bons petits passages claustrophobes, des bons petits passages thalassophobes. Il est net, au fait. Sur PC, oui, ouais. Non, sur PC. Ouais, sur PC graphiquement, ouais. C'est pas un foudre de guerre, c'est pas le jeu le plus beau que j'ai vu. J'allais poser la question de savoir s'il y avait du Murat dans le noir tout à l'heure. Sur le Quest 3, le Murat. Ça n'existe pas, monsieur. Le mi quoi. Non, il y a pas de noir, il y a pas de couleur noire sur le Quest 3, mais au moins il y a pas de Murat, donc voilà, faut savoir ce qu'on veut. Il y a du gris. Mais voilà tout ce que j'avais à dire de Madison. Peut mieux faire, voilà. En tout cas, en l'état de cette démo, pour le moment, j'espère qu'il ne peut que s'améliorer. Non, mais c'est bien, ça a laissé le champ libre comme ça, voilà. D'un côté, voilà. Pour ce mois. Et donc, voilà. Donc, encore un gros merci à Bloodious Games de nous avoir permis, en tout cas, de faire ce test de cette démo. Et puis, on espère le meilleur, en tout cas, pour la sortie de ce jeu et qu'elle soit aux petits oignons pour le 19 avril. Moi, j'y crois pas des masses, hein, je vous avoue encore. En tout cas, pas dans un état irréprochable. On verra ce qui se passe. On va pas. Je pense que les sites internet vont, en tout cas ceux qui vendent la version physique, vont rectifier le tir très très très bientôt. Il y a un petit chiffre qui risque de changer. Voilà. Le 0,4 risque de changer effectivement. Ouais. Ouais, c'est... Le 2024. Le 2020 peut-être. J'espère pas quand même. Ça est... Oh non, là, abusé. Ce serait un peu dramatique. Sinon, après. C'est pas qu'on n'aura plus rien, mais merde quoi. Depuis 2023, hein, donc voilà, c'est Halloween 2023 qu'on l'attend, donc ça commence à faire. J'en peux plus. Voilà. Et puis je suis un peu sur ma faim. T'es un peu sur ta faim, car merci pour la transition, cher El Rocco. T'as eu un petit encore quand même. Dans un tout autre jour qui n'a absolument rien à voir, tu as pu tester Overdark, un jeu d'horreur avec des fantômes qui font peur. Mais quelle surprise! Oh, dis donc! Et donc? Overdark. Et donc, Overdark, donc le jeu d'horreur, le deuxième, qui était plus discret que Madison, mais qui se faisait entrevoir comme ça, voilà, un peu désiré. Et, bon Dieu, d'entrée. Mais qu'est-ce que, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des jeux comme ça. Donc, Overdark, c'est. Donc un FPS, un survival FPS développé par Noctis, studio basé en Espagne, c'est leur premier jeu VR. Ils ont fait le Do Not Open, dont Overdark est le spin-off, ou plutôt maintenant, spin-off, c'est un sequel, qui s'intègre dans l'histoire de Do Not Open, juste après Do Not Open. Donc, Overdark, c'est la suite. C'est une suite qui s'imbrique. Voilà. D'accord. Pile poil, franchement, pile poil à la fin de Do Not Open, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans Do Not Open. Alors, Do Not Open, je fais pas le test, mais en gros, Ça, c'est un jeu très joli. C'est dans la même veine. Il y a du jump scare. Et c'est de l'escape game. On a des petites énigmes et tout. Entre chaque énigme, il y a l'histoire qui est racontée sous forme de cutscene, qui peuvent être très importantes pour compléter la compréhension de ce qui se passe dans Everdark. C'est pas indispensable d'y jouer, mais c'est préférable. Voilà. D'accord. Donc, parce que Everdark, là où Everdark a été très malin, c'est qu'il démarre sur un prologue, où alors on ne contrôle pas le protagoniste principal, on contrôle le joueur, enfin le protagoniste de Do Not Open, au moment où il a massacré sa famille. Donc, le jeu commence, tu te réveilles dans ton bureau, donc tu contrôles un médecin chercheur. Spécialisé en biologie sur les maladies tropicales inconnues. Et on constate quand même, on est sur son bureau, il y a le PC portable qui est branché un petit peu sur les news du moment, et puis on voit qu'il y a une pandémie qui commence à affecter le pays, et que les autorités commencent à mettre en place une certaine quarantaine, parce que ça devient très très inquiétant. Mmh. On remarque que on a les mains anormalement crades. On se pose des questions. Donc les infos se terminent. On se lève. Le personnage tout de suite entend des voix en écho dans sa tête. Donc encore le petit côté paranoïaque, schizophrène qui revient. Mmh. Et le prologue est assez malin parce qu'il te raconte un petit peu ce qui se passe dans Do Not Open. Et tu entends t'as des flashbacks. Qui te montre un petit peu ce que tu as fait subir à ta femme et à ta petite fille. C'est une sorte de résumé, ce qui s'est passé, c'est un résumé de transitionner sur le scénario de Everdark, quoi. On est où ? Qu'est-ce qui s'est plus ou moins passé ? Qui c'est qu'on va chercher ? Donc, sous forme de flashback, on voit le studio espagnol. Alors, c'est ça que j'aime bien avec les jeux espagnols, c'est qu'il y a des thèmes, il y a des choses qui te montrent que tu vois pas assez souvent, comme par exemple massacrer ta propre fille. Tu l'entends vraiment que tu l'as poussée dans l'escalier, elle est en train de débouler, elle est en sang en bas. Il y a un petit côté. Tu dis ce que j'aime bien dans les jeux espagnols, c'est que tu peux massacrer ta famille. C'est ce que je comprends. Hein. C'est bizarre quand même. C'est ce qu'on comprend. Ouais. Enfin, c'est surtout. C'est un exutoire. C'est un petit exutoire. Non, mais c'est surtout que il touche. On n'est pas dans le. On touche au sacré. On touche au tabou. On est pas dans le correct. Donc, c'est souvent au niveau des enfants, Et là, en l'occurrence, c'est carrément le meurtre de toute sa famille totale, avec l'enfant qui agonise. Et toi, t'arrives complètement fou. T'as perdu les pédales, donc dû à cette maladie que t'as gracieusement ramené à la maison, et t'entends les voix, et c'est là que le jeu commence à se mettre sur les rails. Est-ce que c'est de la possession, qu'est-ce qui se passe? Donc t'as des hallucinations auditives, oculaires, puis tu vas dans un confessionnal. Alors t'as un chemin dans la cave un petit peu marqué par des petites bougies, tu vois, jusque dans pareil que ton horloge comptoise en plein milieu. T'as un confessionnal, la porte s'ouvre toute seule. Tu rentres dans le confessionnal et tu vois les fantômes de ta femme et de ta fille qui te parlent, et t'es là genre qu'est-ce qui m'est arrivé. Le jeu se coupe, fin du prologue, et tu incarnes la personne, le protagoniste principal qui se présente. Alors on sait pas si c'est un collègue, mais déjà c'est un ami. Le personnage de Michael, donc celui qui a massacré sa famille, c'est l'ami de George, celui que tu incarnes tu te dis il faut que je retrouve mon ami. Il était sur cette affaire de maladie, il travaillait dessus. Il doit savoir ce qui se passe, il doit avoir une solution. Donc il faut retrouver cette personne-là et puis accessoirement sa famille. Et c'est là que tu vas justement à son domicile. Et que dès que tu entres dans son domicile, tu vois qu'il y a des choses qui se sont passées à l'intérieur. Des champignons qui poussent. De la petite mérule bien dégueulasse avec des énormes bouboules qui ont des pulsations, que tu peux pas t'approcher trop, sinon tu t'asphyxies, tu meurs. Et tu commences à avoir des hallucinations. Tu vois Michael, tu cherches des espèces. Pas trop de spoil, quand même. C'est du psylomite cuban 6, normalement, ce type de champignon-là, qui fait que quand tu l'inhales ou quand tu le manges, ça te fait voir des trucs chelous quand même. Hein. plutôt chelou. Donc, voilà, c'est ça. À tester. Tu dois chercher Michael, mais justement la personne que tu cherches, bah, c'est celui qui va te donner pas mal de jumpscares et te mettre bien la pression. Donc voilà, pour l'histoire, voilà, on entre dans une maison, on doit chercher Michael, le sauver, sauver sa femme et sa fille. Ok. Voilà. Enfin, trouver, en l'occurrence, sa femme et sa fille. Alors du coup, est-ce que t'as des combats, est-ce que t'as des armes, est-ce que tu peux mettre des coups de shotgun, ou est-ce que tu te bats uniquement avec la force de ton esprit déguisé? Et voilà, c'est un jeu où il n'y a absolument aucune arme. Tu ne fais que subir. Parce que tu n'es pas un combattant ou quoi. D'après ce que j'ai compris, c'est un jeu de cache-cache un peu, non? Alors, non. Ce n'est pas un jeu de... Alors, celui-là, non. Le Do Not Open est un jeu un petit peu de cache-cache. Mmh. Celui-là, non. C'est un jeu où, justement, les développeurs ont un petit peu utilisé tout ce qui se faisait en tracking, aussi en haptique. Mmh. Où quand tu retrouves Michael, qui a apparemment de plus en plus de soucis d'un point de vue santé, les yeux qui brillent, tout ça, le sang qui gicle des oreilles et du nez. Oui, il en a trop pris. Eh ben, il en a un petit peu trop pris, et surtout, ben, il faut pas bouger. Quand tu le rencontres, tu le croises plusieurs fois dans la maison, et tu dois absolument pas bouger ni les mains ni la tête. Mmh. Sinon, ben, là, il te défonce, et voilà, c'est du one shot. Du coup, tu restes immobile et il se barre à côté de toi, quoi. C'est ça. Ouais, c'est marrant, ça, comme système. C'est des petits moments dans l'histoire, ça arrive plusieurs fois où. Il apparaît, même des fois il n'est pas là, et il y a un petit fond du noir, et hop, et il revient, et là tu le vois. Mmh. Tu vois, et c'est pour ça que le jeu est très très fort dans son ambiance, en tout cas son ambiance sonore, parce que tu entends énormément de choses. Alors cette fois-ci, c'est contextualisé, c'est-à-dire que t'as le piano qui joue tout seul. Tu fais bon, d'accord, tu vois une cigarette, bon, tu la fumes, naturellement, hein. Et là, t'entends quelqu'un, tac, tac, tac, qui frappe à la fenêtre qui est juste à ta droite, tu vois. Mais ça, la fenêtre, contrairement à Madison, elle existe, le piano, il existe. Elle existe. Ah oui, voilà. Tout là, tout est là. Tout est là. T'as aussi tous ces trucs-là. D'ailleurs, il y a un petit, un petit genre de gameplay où les cigarettes te font baisser la stamina et tu trouves des canettes style Red Bull qui te font augmenter la stamina. Parce qu'il arrive plusieurs fois où tu dois... Il y a un petit message, attention, ne fumez pas de la mérule. Entre Klopp et Red Bull, quoi. C'est, bah écoute, un rock'n'roll. Hein. Si tu ne fais pas buter par Michael, là, tu vas crever d'autre chose, quoi. C'est bien. Ah bah, surtout que le salaud, il marche vite, hein, tu vois. Et donc voilà, et en termes d'ambiance sonore, il y a aussi une immense ambiance. Justement, tu parlais les maisons qui craquent, les trucs comme ça. Mais il y a des moments, il y a la maison, elle craque dans des endroits où tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui l'a fait craquer comme ça? Mais tu l'entends, tu peux te rapprocher, tu fais merde, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Il y a une cohérence. Pourquoi, quoi. Il y a une cohérence. Et je te dis, tu deviens vraiment parano dans ce jeu. Mais tout est logique, en fait. Et il y a. Alors, au niveau, c'est du tout bon. La musique aussi, très très bonne, où à un moment donné, tu as. Genre la musique qui commence à s'accélérer jusqu'au moment où tu dis je vais ouvrir la porte, il va y avoir une saloperie derrière, et au moment où tu ouvres la porte, tac, la musique s'arrête. Non, blanc tout de suite, il se passe plus rien, t'entends juste l'écho de la maison, t'entends ta respiration, t'entends ton cœur battre quand Michael t'observe avec ses yeux démoniaques, ou vraiment en fait le jeu t'entends, cette ambiance sonore te dit putain bouge pas. Regarde, le quitte pas des yeux, ne bouge pas. Et il y a plusieurs fois où justement tu te balades et il est là et il attend juste que tu fasses un mouvement, tu vois, brusque. Et de toute façon, ça se sent. Hein. Il y a de l'aptique, hein, aussi bien dans l'arceau du casque que dans les sens. Je sens l'impatience de Majo d'y jouer. Et ouais, exactement. Tu sens en fait que tu es en train de merder avec ta main gauche. Tu es en train de la bouger un peu trop. Tu te dis, fais gaffe. T'as le personnage de Michael qui se lève d'un coup. Le principe de gameplay a l'air quand même assez dégueulasse. C'est-à-dire que plus t'as peur, plus le jeu va te foutre la pression. C'est-à-dire que plus tu auras tendance à avoir des mouvements un petit peu de surprise, plus tu vas en prendre plein la gueule. C'est ça. Ça te force à te. Goose fera bah rest zen, tu vois. Et il y a pas que, enfin il y a cette ambiance là, donc il y a aussi graphiquement, mais c'est un coup de maître. Je ne sais pas, ouais, il est beau. Combien ils sont dans ce studio là, mais on est franchement graphiquement, je dirais pas autant au même niveau qu'un Resident Evil 8 voilà Village, mais il n'a pas à rougir. Franchement, les mecs, pour un studio indé, ils ont fait vraiment quelque chose de très efficace. Même dans l'ambiance de tout ce qui est visuel, tu vois. C'est la lampe torche qui la gestion des lumières a l'air folle, déjà. Ouais, les effets d'ombre. Ah, c'est le premier détail qui te bute, en fait. C'est que bah, déjà, tu fais « Ah, tiens, la main !» Ah, et il y a une cohérence, tu vois, dans l'ombre, par rapport, même sur les objets. Soit n'importe quel objet que tu éclaires, ben il a une cohérence, une projection, voilà, son ombre est normale, quoi. Donc déjà ça, en termes d'immersion, c'est pas mal. Surtout que quand tu éclaires mal la petite, tu sais, t'ouvres un peu la porte timidement, et que si tu éclaires mal, bah tu vois pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis ce bruit sourd, c'est l'ambiance sonore qui en rajoute encore une couche, où genre bah ça bourdonne en fait dans tes oreilles. Tu te dis mais merde, t'ouvres une porte, qu'est-ce qui va me péter à la gueule, tu vois? C'est toujours le petit suspense. Et les... Oui. Merci. Et ce son-là te rappelle toujours voilà, à l'ordre. Et comment dire, j'ai perdu le fil du rasoir. Mais voilà, on sent que ce studio-là, il s'est énormément inspiré de Resident Evil, ouais, dans, on va dire, le style de la demeure, déjà, bon, qui est beaucoup moins grande, mais il y a ce... C'est gothique, quoi. C'est gothique. Délabré. Il y a... T'as des peintures. J'ai vraiment eu l'impression de refaire R7, hein. Ouais, j'ai eu cette sensation, hein, le début. Ah, mais les tableaux, tu sais, les tableaux chelous, tu vois, avec les personnes que t'as l'impression... Ça, j'ai horreur de ce type de tableau-là, où t'as l'impression que la personne qui est peinte dessus te regarde, en fait. Et t'as que ça. T'as que ça. En plus flippant. Et t'as des trucs, t'as des trucs bizarres. T'as des peintures connues. T'as le mec comme... En plus, c'est cohérent, parce que le mec, comme il est dans la biologie, dans la médecine, et bah, t'as justement l'évolution des peintures que tu peux retrouver sur Google, qui retracent un peu l'évolution de la médecine dedans. Je sais pas quel type de tableau il y a, mais je trouve qu'il y a... Enfin, après, c'est vraiment pour faire le pointilleux encore. Mais c'est vraiment une propension des jeux d'horreur ou des jeux d'ambiance de toujours foutre les mêmes tableaux et les mêmes œuvres. Déjà, c'est possible. Déjà, tu les trouves plusieurs fois dans le jeu, ce qui a tendance un petit peu, si tu fais attention aux détails, à voilà, te sortir un peu de l'ambiance. Mais en plus, c'est toujours les mêmes. T'as toujours Neptune qui dévore son enfant, t'as toujours... Oui, tu l'as, ouais. Mais forcément, parce qu'il est dans tous les jeux d'horreur, et t'as toujours ce tableau-là, et t'en as quelques-uns, t'en as 4 ou 5, tu les retrouves systématiquement. Ça, je trouve ça un peu dommage, quoi. T'as d'autres quand même... Après, ça ajoute, voilà, bon, c'est dommage. Après, c'est un peu du facile. C'est bien de l'avoir. C'est toujours. C'est bien de l'avoir sur un jeu où justement qui est agréable graphiquement, vois, visuellement, ouais, et tout, parce que c'est pour le retrouver sur un jeu moche, voilà. Surtout que d'ailleurs, les tableaux, ils sont tous différents d'un niveau texture. C'est tu vois genre les coups, les impacts qu'il y a eu sur les tableaux, tu vois la toile, quoi, vraiment la texture de la toile. Non, mais mine de rien, ces trucs, c'est pas genre une texture plate, tu vois qu'il y a du volume, quoi. Mais ça franchement, ça fait grave plaisir de constater, voilà, quelque chose qui soit un souci du détail, cohérent avec le hardware qu'on a. Alors il y a, pour parler aussi, alors je disais, oui, que ça ressemble beaucoup à Resident Evil. Il y a un hommage, mais clair, au rétro gaming, même au niveau du son. Du son que quand tu ouvres ton inventaire, ça fait tout ce que tu prends. Exactement, exactement. Ça fait ce petit son de Resident Evil 1, voilà, avec. Tu ouvres, tu fermes, c'est exactement énigmes, la même chose. Les énigmes aussi, apparemment, ça fait vraiment hommage au premier Resident, où tu dois déplacer exactement. Des espèces de grosses... À la toute première énigme. De table, là. Tu déplaces... Même le bruit que fait quand tu déplaces les espèces de sel, ça m'a... Direct, exactement. J'ai pensé au premier. Bah, c'est exactement ça. Mais en fait, ce jeu-là, il va même encore plus loin, parce que si tu es un peu cinéphile, tu remarques la race de clin d'œil, voilà, plein de films des années 80, des 90, un petit peu de 2000. Voilà, t'as des objets. À un moment, t'as un musée. Ah où, oui, voilà, oui. D'accord. T'as des objets. Voilà, c'est là où il y a le plus d'Easter eggs, mais sinon, t'en as d'autres, tu vois. Mais c'est là où t'as le plus d'Easter eggs, donc il y a un peu du Evil Dead. T'as même un succès. Bon, ça, voilà, t'as un succès qui fait clairement référence à Shining. Plein de petits détails. Même les développeurs, tu peux les trouver. Tu peux les trouver dans le jeu. Non. Donc je laisse la surprise, mais voilà. Mais toujours, tu les retrouves sous forme de clin d'œil aussi. Tu vois, pareil dans le domaine du cinéma. Ça fait plaisir. C'est bien. Ça prouve au moins que c'est référencé et que c'est pas uniquement de la référence facile, quoi. Donc c'est plutôt bien. Parce que je me souviens sur le Discord, tu nous avais envoyé une photo en nous demandant, mais il vient d'où cet objet? Il me dit quelque chose et tout. Ouais. Il a fait quand même. Et 5 minutes après, il avait trouvé. Chercher. Non, je crois que c'est Laurent. Non, c'est Laurent ou c'est toi qui as trouvé? Non, c'est toi qui l'as trouvé. En fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé. On m'a donné la réponse, hein, mais j'ai fait oui, parce que je savais, mais putain, pour retrouver ce truc-là, c'est pas du récent. Et c'est pas forcément. T'as du récent, t'as du ancien. C'est pas forcément un film très très connu. Enfin, qui a eu son non. succès à l'époque, mais voilà, qui a été un peu oublié. Mais donc, ouais, c'est marrant de voir justement ce souci du détail de références qui sont pas forcément faciles. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir. Ah non, mais t'as. Alors, bon, voilà, les. Y a pas. C'est pas dénué de défauts parce que. Alors, il n'y a pas autant de soucis que ce que tu racontais avec Madison, du genre, tu étais un peu entre le cul entre deux chaises, entre. Voilà. On fait du motion gaming ou est-ce ça a l'air que beaucoup plus fait... clair et beaucoup plus lisible, beaucoup plus cheminé en fait, tracé. Enfin, tu sais, t'as plus d'indicateurs qui te disent que tu peux interagir avec ça ou coupler tel ou tel objet. Voilà, ouais. C'est exactement ça. Et puis c'est limite intuitif. Tu prends l'objet, tu le plaques, ça se met. C'est juste un petit problème dans parfois la manipulation. Tu dois tourner certaines choses et tout. Voilà, sur certaines énigmes, tu vas devoir tourner des trucs. Et en fait, tu as une difficulté soit à attraper l'objet, à vraiment bien l'attraper en fonction de comment est ta main, on va dire, IRL. Donc parfois, la main que tu vois en réalité virtuelle est un peu décalée. Ou parfois, le personnage peut mettre un énorme coup de poignet comme ça, rat. Donc ce qu'il tourne, ce que tu devais tourner d'un cran, il a fait 3 tours sur lui-même, tu vois. Et toujours, attention, on avait aussi une ancienne version, hein. C'était pas une version finie. Alors là, pour le coup, vu que j'ai fait le speedrun, il y a 2-3 détails qui ont changé, mais voilà, le jeu est encore en stade de polish, mais d'accord. En l'état actuel, il fera très bien le café. Hein, vous inquiétez pas, il saura vous surprendre. Et qu'est-ce que je pourrais dire en plus Ce qu'on peut dire, justement, c'est que tu viens d'en parler. Tu as fait un speedrun qui est disponible sur Vrak. Si vous n'avez pas peur d'être spoilé, en tout cas, nous, on vous conseille quand même de finir le jeu déjà par vous-même une première fois et puis voir après la prestation d'El Rocco. Quelle durée de vie, d'ailleurs La durée de vie. Attends, la durée de vie pour un être humain normal, hein. Pas pour toi, El Rocco. Hein. Ah je sais pas. D'accord. j'ai pas vu quelqu'un de normal y jouer. Non mais franchement j'ai pris mon temps. J'ai regardé beaucoup de trucs parce que voilà t'observes, hein, tu fais pas que jouer, tu t'essayes des trucs. En prenant son temps, on est à 3, 4 heures, 5 heures en fonction voilà. En galérant un peu quoi. En galérant légèrement, ça peut arriver. De vite fait de tourner en rond, mais moi en même temps j'ai un sens de l'orientation de merde, mais voilà. Mais en le refaisant, je me suis dit, mais en fait, le jeu il te guide suffisamment. Tu vois, si tu veux résoudre une énigme, passer une porte et tout, va t'amener ailleurs naturellement. Et c'est juste qu'il faut se repérer un minimum dans cette baraque. Et puis une fois que t'as capté ça, t'es nickel. Les énigmes sont vraiment dans le classique de ce qu'on a connu. Il peut y avoir des petites difficultés sur l'une ou l'autre, mais sinon dans l'ensemble, voilà, rien d'insurmontable. Le jeu reste fluide et je pense C'est fait aussi pour que le plaisir soit également fluide, qu'on galère pas trop. Hein. Voilà, c'est super important ça. Et justement, tiens, bah, je vais passer un petit coucou à Gis, avec qui on joue souvent en ligne et qui est sur le Discord. Et on avait cette réflexion justement, il avait commencé à jouer à Hubris et il avait été très très déçu justement sur le côté un petit peu... un petit peu contraignant du gameplay, à savoir que pour nager, faut faire les mouvements de nage, pour ramasser quelque chose, faire SBC, pour l'escalade, ça fonctionnait pas très très bien selon lui. Et que du coup, motion gaming à fond, voilà. Et il disait que voilà, à l'heure aujourd'hui où sur les jeux plats, on te cherche un flot de gameplay, mais que le joueur ne peut même pas percevoir, en fait, qui est uniquement là pour apporter du confort et de la fluidité au gameplay sur certaines productions, c'est quand même fou justement, et selon lui aussi et selon moi, je suis complètement d'accord avec lui, un frein sur le plaisir que tu peux éprouver sur certains jeux en VR, quand tu tombes sur des mouvements de poignet comme tu disais, des trucs qui fonctionnent pas comme tu l'as imaginé dans ton cerveau et dans ton mouvement, et que ça fait n'importe quoi à l'écran, et surtout dans un environnement où tu es comme... on peut le ressentir en VR, et ça te sort complètement de l'immersion. Le fait de devoir choper un objet comme sur beaucoup de jeux sur ton torse, et puis de choper l'objet qui est juste à côté, alors que non, t'as visé en fait la partie de ta poitrine qui va bien, ça fait chier. Ça te sort. Ouais, ça te sort un peu. Le fait de prendre une poignée et puis que la poignée elle te parte des mains à la première occasion, ça va pas, ça peut pas marcher. C'est rageant, surtout que presque 10 ans manipules. Là où tu manipules les choses, c'est pas comme si c'était un moment où t'étais mis sous pression, mais de ouf, tu vois. En presque 10 ans justement de développement en réalité virtuelle, on se rend compte qu'il y a certains trucs comme ça qui sont pas encore. C'est ironique, hein. Ouais, mais il y a quelques trucs qui sont pas encore en place, et c'est un petit peu dommage. Et à force de vouloir trop faire de motion gaming mal, ça dessert le jeu, ça dessert les jeux. Mais heureusement qu'il y en a pas beaucoup, hein. Ouais. C'est pareil, tu peux choper des petits trucs, mais tu vois qu'ils sont pas du tout utiles. Hein. Bon, là pour le coup, quand tu le chopes, mais t'es pas du genre en mode flubber, le truc qui glisse ou quoi, ça va. Mais c'est pas utile. Mais tu vois. Aussi, toujours un problème avec les tiroirs, les trucs comme ça. Ouais, voilà. Il y en a certains tu peux ouvrir, d'autres pas, donc tu sais pas trop ce que tu peux. À la Sensei Sinners, tu peux quasiment tout ouvrir. Mais tourner une clé dans un jeu VR, dans la plupart des jeux VR, c'est une tannée encore. Hein. Mettre une clé dans une serrure et tourner la clé à chaque fois. Là j'ai galéré sur le. T'as un portail au début, j'ai galéré à tourner la clé. C'est pas évident. Ouais. Ouais, c'est pas évident. Si tu chopes mal dans Overdark, c'est vrai que ça peut être délicat. Ça peut être délicat. C'est fou quand même. Après justement des jeux comme Saints and Sinners qui nous ont montré quand même comment est-ce que tu pouvais apporter un poids à une arme alors que dans tes mains t'as rien, grâce justement à des mouvements d'inertie justement de ce que t'as, dans tes mains, ou alors dans des jeux comme Alyx où tu peux, enfin si ça reste quand même encore une énorme référence en termes d'immersion et de gameplay environnemental qui est efficace quoi. Tu peux tout a un sens, tout a une physique. Tout a un poids, et le fait que il y a une physique, mais il n'y a pas de poids. Que maintenant, beaucoup de jeux, malheureusement, en fait, c'est juste des contraintes de gameplay et de motion gaming qui sont pas maîtrisées, quoi. Oui, il faut. Si c'est pour un rendu comme ça, aller au plus simple. Hein. On appuie sur un bouton, tac, le truc est téléporté, et terminé, quoi. Cherchez pas, à vouloir absolument qu'on tienne, qu'on machin. Au plus simple, hein. Ou alors proposez-le faut le proposer dans les options. C'est comme ce que fait Resident Evil 4 ou Village. C'est que tu as différentes méthodes de grip ou des trucs comme ça. Tu veux que le truc soit, tu appuies sur un bouton, il atterrisse dans ta main, il est collé, donc tu peux le lâcher. D'autres, il va y avoir une détection. C'est important si tu veux du flow. C'est bien de le proposer. C'est important quand tu veux du flow dans ton jeu, et pour le joueur et du confort, faut mettre ce genre de choses là en place, quoi. Voilà, parce qu'en termes d'options, il est pas ouf, hein. Je veux dire, il y a la rotation angulaire ou fluide. T'as quelques options. Je crois que t'as le vignettage, hein, pour le motion sickness, et t'as quelques trucs au niveau du son, quelques options s'ils le sont général, les effets, du classique. Rien de bien. Les voix, j'étais étonné. J'ai cru que je m'étais trompé sur le coup. J'ai lancé le jeu. Et en espagnol. En espagnol, ouais. Plus efficace en espagnol, beaucoup plus efficace. Et franchement, l'immersion, ouais, j'étais. C'est rafraîchissant. J'étais agréablement surpris. Ouais. D'entendre. Mais il est aussi anglais, hein. Voilà, la langue anglaise, elle est pas mauvaise. Mais il y a sur des jeux plats où justement t'avais espagnol et anglais. Mais seulement le problème, c'est que c'était les Espagnols qui aussi faisaient le doublage en anglais. Donc c'était pas très convaincant sur le moment, un peu nanar quoi. Je sais plus si tu l'as dit, sous-titre en français, non? Ah oui, sous-titre en français, parfait. Nickel. Et puis ça c'est important, à la bonne hauteur, c'est pas trop en bas, pas trop petit, de yeux, pas. Voilà, c'est bien avec un contour qui suit bien lisible. Le regard comme il faut. Ouais. Ça c'est bien. Non franchement. Il prenait pas un peu de largeur, ou je confonds peut-être deux jeux, ou c'est un peu. Assez large, non? Enfin, en fait, pour suivre à la fois l'action, l'histoire, ouais, c'est lisible quoi. C'est ultra lisible. Peu, ouais. Mais franchement, c'est un carton plein. Il a combien pour moi, le jeu? 30. Il est à 29,99. 30 balles, d'accord. Le même prix que Summerfall, impeccable. Mm-hmm. Voilà. Aussi interdit. Il n'y a pas photo. Est-ce que tu as un masseur de joues dans Overdark ou pas? Parce que ça peut jouer sur l'achat. Après, ça dépend des priorités, mais il n'y en a pas, t'as malheureusement. Pas de masseur de joue, enfin, quelle déception. Voilà, un point en moins pour Overdark. Le problème, c'est que tu ne peux pas le garder. J'ai essayé, mais tu ne peux pas le garder. Non, il explose. Ça pas un trophée que, si tu as battu tous les ennemis avec ton truc. Ah, ça aurait été marrant. Ça pourrait être pas mal. Ok, bon. Tu as d'autres choses à rajouter sur Overdark, du coup? Bah non, sinon. Version physique, non? Ce serait de la bis repetita, mais voilà, je voulais quand même mettre un petit point d'honneur. Juste, c'est tout bête, hein, mais rien que dans le menu du jeu, ça met. Voilà, je voulais juste revenir sur ce menu-là qui, déjà de base, fou la trique. C'est le malaise absolu. C'est le malaise absolu. C'est, tu sais où tu mets les pieds, tu sais ce qui va t'arriver. Voilà, c'est. Tu regardes à droite une baignoire remplie de crânes avec une lampe à l'huile avec des effets de lumière de fou, les spores qui volent de partout, la mérule qui gonfle, le reflet du mec de Michael qui psychote, qui a des spasmes et qui te regarde méchamment. Tu te retournes, tu vois le miroir où il y a de la buée dessus, et dessus il y a quelqu'un qui a marqué Hide, cache-toi. Enfin, voilà, le jeu. Fou la trique dès le menu quoi. Tu te dis c'est comme et à la maison quoi. T'as pas besoin de masseur de joue. T'as pas besoin de masseur de joue. Et donc oui, c'est vrai que autre surprise, il y aura une version physique, bon, qui a été annoncée voilà en grande pompe parce qu'ils tiennent le jeu physique entre leurs mains. Donc cette fois-ci c'est pas du Perp Games, ce sera du Tessura Games qui a on va dire le bon goût de nous proposer une édition assez spéciale, les éditions qu'on aime bien, cartonnées, ou alors dans un fourreau avec pas mal de contenu à l'intérieur. Donc pour l'instant c'est une version standard, voilà, sans rien dedans, mais j'ai un petit peu essayé de titiller Tessura, mais à chaque fois ils me répondent oui, voilà, sur plein de trucs, plein de questions, oui. Ok. Succinct. Voilà, okay, ça pas marche. De problème. Mais voilà, quand on regarde la plupart de leurs éditions, c'est des éditions, alors pas trop chères et avec du bon contenu à l'intérieur. Alors s'ils font ça pour Overdark, voilà, ça va être du miel. Ça fait saisir. Et encore une fois, il y a, alors sans spoiler, je pense que le studio a teasé, on va dire que le studio compte communiquer, alors je sais pas si c'est sur son édition physique qui compte communiquer, mais pareil, j'ai essayé de titiller pic, de savoir s'il y allait y avoir un contenu supplémentaire, une suite, une autre story de notre open story. C'est je pense que ça dépendra du succès du premier, si ça marche ou pas. De toute façon, c'est ça. Ça dépendra du succès du premier, mais il y a quelque chose dans le jeu qui est visible, virgule, dans quoi. To be continued. Dans extra, dans les extras, parce que tu peux voir les modèles 3D, voilà, sous toutes les côtés. Et il y a un modèle 3D que tu ne vois pas. dans le jeu que tu ne vois que dans l'ex extra qui fait pas. Ça peut être un truc qu'ils n'ont pas intégré. N'en dis pas trop. Voilà. Et puis. Oui, alors un truc qui est super important, c'est. Alors moi je le dis, mais je le faisais pas forcément. Mais c'est là qu'on se rend compte que c'est super important parce qu'ils le demandent à chaque fois. Que si on achète leur jeu et qu'on aime bien, pensez à le noter sur la console directement. Voilà, vous allez sur la fiche du jeu, vous mettez le nombre des étoiles. C'est un peu leur référencement. Mmh. Et pour le moment, comparé à d'autres jeux qu'on a testés, c'est bien reçu. Entre la note est entre 4 et 5 sur 5 sur une centaine de notes sachant c'est que mérité. Tout le monde ne note si pas. Si on peut résumer, on est déjà respecté techniquement, on est sur un jeu qui fonctionne dans son état actuel, voilà, le jour de sa sortie, donc c'est un putain de miracle. C'est un peu triste de dire ça, mais bon, rien que ça déjà, ça donne du baume au cœur, donc forcément le jeu est bien accueilli, quoi. Ah bah c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, hein. C'est que c'est le jeu qui fait du bien. Hein. Putain, ça fait du bien. Et voilà, on comme souffre. Quoi, c'est possible, encore une fois, malgré ce qu'on entend. Ouais. Ça a été repoussé plusieurs fois, donc à bon escient. Et on les remercie de nous avoir fait patienter, parce que si c'est pour nous sortir un jeu de ce résultat-là, bah que faites tous pareil. Hein. Mm-hmm. C'est soit sortez-les plus tard ou ne les sortez jamais. Hein. Voilà, c'est pas plus mal que Madison ait pris un petit peu de retard pour pas être totalement face. C'est très bien que. C'est bien. Ouais. Ça dilue si un ça peu. Lui donne un mois supplémentaire pour avoir quelque chose de correct, c'est très très bien, donc voilà, si vous aimez les jeux d'horreur, que vous voulez avoir autre chose que des zombies, des loups-garous, des trucs comme ça, que voilà, cette fois-ci c'est de l'horreur psychologique, vous êtes un petit peu perdu, c'est vous hallucinez, est-ce que c'est réel, c'est un stoner, ouais. Vous déprimez, voilà. Ah oui. Ah, d'ailleurs, c'est précisé. Hein, si vous avez des petits problèmes de dépression, des choses comme ça. Donc voilà, si vous êtes un petit peu sensible, mettez Happy Fun Land plutôt. Si vous êtes un petit peu dépressif. Voilà. Ça va vous faire du bien. Donc voilà. Bonne pioche. Voilà. Merci Elroco, en tout cas, pour ce texte on ne peut plus complet, en tout cas sur Overdark. Est-ce que vous avez, messieurs, autre chose, un autre sujet à aborder pour cette émission? Quartier libre. Il y aurait eu Cube VR, mais Laurent n'étant pas là, le testeur. Et vu que c'est lui qui l'a testé et qui pourra en parler le je mieux. Regarde pendant 15 jours. Voilà, ça sera oui, pendant 15 jours, plus, 3 semaines, plus ou moins, un mois. À la prochaine émission. Comme Madison. Comme Madison. Hein. Madison, j'ai hâte de pouvoir le retester sur PSVR 2 dans sa version finale et puis constater que tout ce que j'ai dit, bah, ça a été complètement effacé. Parce que c'est un jeu aussi qui mérite et qui a l'air d'être fait avec le cœur, en tout cas, d'après ce qu'on a vu des interviews des développeurs. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on aura les mêmes jumpscares que toi? Seul inconvénient de ces deux jeux. C'est encore des jeux d'horreur. C'est ça. C'est encore des jeux d'horreur. Alors, perso, je me régale, hein, mais les autres. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est encore la niche de la niche, quoi. C'est ça. Ouais, mais y a une époque pas si lointaine, c'était pas de la niche. Hein. Oui, sur PS1, PS2, mais bon, une époque révolue. Sur PC. Sur PC. Une époque révolue. Donc voilà, hein, c'est. Encore de l'horreur. Voilà. En tout cas, merci messieurs pour avoir participé à cette nouvelle émission. On espère aux auditeurs que ça vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de voir Majo en pleine forme, pour ceux qui s'inquiétaient. Et puis voilà. Affûté. D'ailleurs, j'ai une petite news liée avec le podcast. Pardon. La base. T'en as fait la promo tout à l'heure. Très c'est pour ça qu'on l'invite plus d'ailleurs. Google Podcast va mourir, voilà, incessamment sous peu. Donc, si jamais vous utilisez cette plateforme, pardon, pour nous écouter, il faudra en trouver une autre. Voilà. Donc, qui suit le même chemin que le réseau social Google. Petit ange parti trop tôt. Souvenez-vous. Que beaucoup de choses Google, hein, que Stadia, hein. Que Stadia Google. Plus récemment. Effectivement. Voilà. On va dire que l'innovation n'a pas une grosse durée de vie chez Google. Donc voilà. Et bah là-dessus, sur ces bonnes nouvelles de mort de logiciel, on va vous faire des gros bisous. On vous dit à dans 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois ou 3 mois. Et puis à bientôt. Qui fait la VR ? Moi, je reviendrai pour la prochaine mise à jour de No Man's Sky. Du coup. Parfait. D'accord. Allez, ciao, bye. Salut. À plus. Ciao, ciao.